C'est Fun Radio, il est 6h22. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Ça y est, c'est parti, nous sommes en direct jusqu'à 9h30. C'est jeudi aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est l'avant-dernier jour de la semaine. Oui, on donc peut ça, dire c'est comme la route. Ah, c'est le côté positif. Ouais, on peut c'est le voir que le week-end ça, arrive ouais. bientôt, etc., etc. Julie a passé une bonne nuit. J'ai passé une courte nuit, mais une très bonne nuit. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à m'endormir avant 23h cette temps-ci. Ouais, ouais, c'est très bien. Hier, ça m'a frappé. 19h, j'étais au lit, 19h30, je dormais. Ah ouais, ben bah voilà, bah j'aurais bien voulu cool. faire ça. Ah ouais, je me suis réveillé ce matin, il était 3h. Je me dis, ah cool, hein, je me lève et puis je regarde là, je fais 3h. Peut-être un peu tôt quand même. Hein. Donc, du coup, je suis retourné au lit. Non, c'était sympa quand même. T'as de la chance. Voilà. Ouais, ouais, pour le coup, aujourd'hui, ça va. C'était sympa. Je vais le payer ce soir, mais, mais ça va. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne nuit en tout cas. Vous qui êtes derrière la radio un petit peu partout en Belgique, au Luxembourg aussi d'ailleurs, on nous écoute pas mal sur 107.5. Et puis, bah, si vous voulez jouer avec nous ce matin, pas mal de choses évidemment. Ce matin, on aura l'occasion de vous rembourser vos factures. Ce sera aux alentours de 7h10, 8h10 et 9h10. Là aussi, la règle est relativement simple. Il suffit de nous envoyer votre petit SMS au 6322, le débuter par facture, puis vous mettez solde, puisqu'on vous rembourse 50€ de solde tous les jours sur Fun Radio jusqu'à demain y compris. Voilà, comme ça vous le savez. Hein. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre aussi? On aura bien évidemment la ligne anti-relou, les meilleurs relous qui ont laissé leur message au 0473 86 0013. Ce sera aux alentours de 7h-10, 8h-10 et 9h-10. Et puis bien évidemment le ni oui ni non, ni vous verrez bien, ou encore le free code game, ou encore le serez-vous plus intelligent qu'une miss? C'est la question qu'on pose tous les matins à Ophélie qui anime avec nous. Je sais pas. Mais qui ne sait pas malheureusement. Ah, au fait, hier on a eu Ophélie au téléphone. Ouais. Ophélie qui a donc participé à Miss Belgique cette année, qui a terminé dans les finalistes et qui avait son examen de je ne sais même plus quoi hier à Namur. De patrimoine. Oh, tu retiens rien du tout. Bon, enfin bon, patrimoine, je m'excuse, mais je savais même pas que ça existait. Bon, et donc du coup, bah, Ophélie, est-ce que t'as réussi cet examen? Je sais pas. Tu sais pas? Bon, bah écoute, j'espère pour toi en tout cas. Hein. En tout cas, Ophélie qui a dit qu'elle passerait normalement avec Jade, qui a terminé deuxième dauphine et qui était avec nous hier. Et donc elle a dit qu'elle passerait normalement à deux bientôt après les examens. C'est pas quand est-ce que quand finiront ces examens-là, ouais, mais on verra bien. C'est pas avant le 20 en général. À mon avis, ouais. Bon, enfin, bon, bah, ça va le 20, on est 12. Je vais en parler dans l'info en plus d'ailleurs. Ah, des c'est examens. C'est un bon truc pour réussir les examens. Bah parfait, bah tricher. La drogue. Ah, non. Et non, mais quelque chose de très spécial. D'accord. Bon, bah très bien. Bon, on en parlera dans un instant. Et puis voilà, déclaration express également. Ce matin, gagné comme d'habitude les iPod Shuffle, les iSwatch ou alors les écrans plats. Et si vous avez évidemment la réponse à la devinette qui colle, écoutez-la bien. Du Nel, c'est l'extrémité. En cuisine, il est battant. Son cou nous remet sur pied. Qui est-il? Toff adore cet objet. Oui, quand il va dans des clubs un peu particuliers. Oh ouais. Oui, bah oui, parce que Toff va dans des clubs un peu particuliers. Très particuliers. On commence très fort. Très. Je répète, du Nel, c'est l'extrémité. En cuisine, il est battant. Son cou nous remet sur pied. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse. Pardon, si vous avez la bonne réponse, 6322, t'as pas trouvé Toff? Non. Oh, c'est facile quand même. Ah bon, bon d'accord. C'est-à-dire même Julie n'a pas trouvé? Non, enfin non. Vas-y, redis-la encore une fois. Ça c'est exceptionnel. Ah moi j'ai trouvé, c'est quand même facile. Du Nel, c'est l'extrémité. En cuisine, il est battant. Son cou nous remet sur pied. Oui. Qui est-il? Cale-toi plutôt sur la cuisine, parce que du Nel, il est l'extrémité. Bon, bah cale-toi surtout sur le fait que t'aimes bien ça de cet objet. Non, mais c'est dans des clubs particuliers. En fait, j'hésitais entre celui-là et le martinet. Ah oui, non, c'était pas ça. Non. Et voilà, donc voilà. C'est l'autre. Bon, si vous avez la bonne réponse, 6322, allez-y, bonne chance. Il y a des écrans plats, des iPod Shuffle ou encore des iSwatch qui sont à gagner dans un instant. L'info de Julie. Et puis on écoute. On écoutera aussi Maroon 5 dans quelques instants avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. On écoutera aussi RG avec Pitbull ou encore Rihanna. Tout ça, ce sera avant 7h du matin sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 6h30 sur Fun Radio X, c'est l'en réveil à tous. Il est c'est jeudi 12 janvier aujourd'hui, avant-dernier jour de la semaine. Ça fait plaisir. Passons à l'actu, les mauvaises nouvelles maintenant, c'est avec Julie. Bonjour à tous. Mathias Suarez a remporté le soulier d'or 2011 à 23 ans. L'attaquant d'Anderlecht succède à Embarc Boussoufa. L'attaquant a été plébiscité devant Witzel et Courtois. Une accompagnatrice de train a été agressée hier soir. L'agression a eu lieu peu avant 20h sur la ligne reliant la gare de Bruxelles-Luxembourg à celle de Malines. Trois individus non identifiés sont montés à bord du train. Ils ont menacé l'accompagnatrice avec une arme à feu et lui ont porté des coups avant de prendre la fuite à l'arrêt suivant. Blessée à la tête, la victime a été conduite à l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires. Le parquet de Huy a finalement révélé l'identité du corps à moitié carbonisé retrouvé hier matin à Amay. Il s'agirait d'un homme âgé de 52 ans. Il ne s'agit pas d'un SDF comme l'avaient suggéré certaines sources. Les circonstances mystérieuses qui entourent sa mort ne sont pas encore toutes élucidées. L'individu a été vu pour la dernière fois vers 20h mardi soir quittant un café. Les enquêteurs tentent toujours de combler l'emploi du temps de l'homme entre 20h et 5h du matin, heure de la découverte du corps. Yves Baupin, l'Arsène Lupin belge, a été arrêté et il risque jusqu'à 2 ans de prison. La police bruxelloise était activement à la recherche de ce cambrioleur multirécidiviste depuis hier. Suite aux menaces de mort envoyées par fax à 2 magistrats bruxellois, Yves Baupin se disait souffrir d'une maladie incurable, connue de la justice pour son caractère instable et imprévisible. Il est pour l'instant très difficile de déterminer si ses problèmes de santé sont réels ou imaginaires. Pour le moment, Yves Baupin use de son droit de garder le silence. Les nouvelles demandes d'asile seront traitées en 3 mois. La secrétaire d'État en charge de l'asile et immigration, Maggie De Blocq, veut travailler vite. Le délai moyen de ces demandes était en 2011 de plus d'un an. Les visites sont gratuites chez le vétérinaire en février. Les propriétaires de chiens et de chats pourront se rendre pendant tout le mois de février chez le vétérinaire pour effectuer un examen de prévention gratuit. Cette initiative est organisée pour la première fois à l'échelle nationale. L'opération a eu lieu pour la première fois en Flandre et puis l'an dernier, elle était organisée dans la partie francophone du pays. Renseignements et inscriptions sur le site www.saisondelaprévention.be. Et puis à l'étranger, en Syrie, des journalistes, dont une équipe de la chaîne flamande VRT, ont été la cible de tirs hier dans la ville de Homs. Un journaliste français de la chaîne France 2, Gilles Jacquier, a perdu la vie. Les membres de l'équipe belge sont eux sains et saufs. Il est 6h32 sur Fun Radio. Excellent réveil. L'heure de passer maintenant à l'actu. La météo, pardon, l'actu, on vient de la faire. Le ciel sera plombé dès le matin et rares seront les éclaircies aujourd'hui. Bon, le temps normalement restera généralement sec. Par contre, la pluie fait son retour dès ce soir. Température de 6 à 10 degrés. Demain, temps plus frais, un petit peu de neige sur les reliefs ardennais et quelques éclaircies partout ailleurs. Ah bah voilà, nous voilà rassurés maintenant, c'est parfait. Dans un instant, Maroon 5 sur Fun Radio avec Christina Aguilera et Moves Like Jagger. Nous aurons la ligne relou dans moins d'un quart d'heure. Et puis l'info en plus maintenant. J'ai donc une info en plus pour vous, tous les étudiants. Session d'examen pour... Non, je croyais que c'était pour les mecs, un truc comme ça. Non, pas du tout. Pour les étudiants, donc c'est pour filles et garçons. Eh bien, une étude qui l'a prouvé, mâcher du chewing-gum vous permet de réussir mieux vos examens. N'est pas une blague. En fait, mâcher du chewing-gum augmenterait la capacité intellectuelle. C'est un professeur de psycho qui a fait passer un test à 224 étudiants divisés en 3 groupes. Premier groupe a dû mâcher du chewing-gum 5 minutes avant l'examen. Le deuxième pendant l'examen, ce qu'on vous déconseille quand même parce que le professeur n'accepte pas généralement qu'on, si c'est un oral, qu'on soit en train de mâcher dans lui. Tu réponds en disant « Ouais, salut !» Donc le deuxième groupe pendant l'examen, un examen écrit. Le troisième, pas du tout. Et bien les résultats sont frappants. C'est qu'effectivement les 2 premiers groupes qui ont mâché du chewing-gum ont obtenu des résultats meilleurs. Et en fait la mastication produirait un afflux de sang vers le cerveau. Et donc ça améliore pendant une courte période les capacités intellectuelles, surtout celles de mémorisation. Alors le bénéfice dure pendant 15-20 minutes. Après plus rien. Ah oui d'accord, ok. Donc voilà, juste quand on mâche avant... chewing-gum on est plus intelligent. C'est super fou quand même. Bah ouais, c'est pas mal. Je crois que je vais aller mâcher un chewing-gum, moi. Mais oui, je pense qu'il est temps. Je pense que je vais mâcher non-stop pour rattraper le retard. C'est grand temps, effectivement. Je sais pas te le dire. C'est clair. Non, mais tu peux, tu sais, y a pas de problème. 6h34 sur Fun Radio. Dans quelques instants, notre ami Julien de Rien. Et puis, on va écouter le son de Maroon 5 et Christina Aguilera. Moves Like Jagger. Maroon 5 sur Fun Radio, 6h37, bon réveil. Je vous rappelle la devinette qui colle que Toff a eu du mal à trouver. Faut dire les choses quand même. Dunel, c'est l'extrémité en cuisine. Il est battant, son cou nous remet sur pied. Qui est-il? C'est un des objets fétiches, c'est qu'elle le dire, fétiche, de Toff, hein, quand il va dans des clubs un peu particuliers. Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre indice également? On peut offrir à... je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est le même principe. Faire avancer les chevaux, c'est aussi un petit coup. J'avais exactement la même chose en tête, mais c'est pas la même chose, non. Ça s'appelle comme ça aussi. Ça, c'est la cravache. Ah ouais, c'est ça. Bon, enfin, ça ressemble. C'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe, ouais. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. On peut dire également, si on ajoute 2 lettres supplémentaires, que cette personne sent mauvais. Putain, elle. Oui, c'est vrai. Ah oui, on peut. Voilà, mais il faut réviser en cuisine aussi. Oui, ça, oui, ça c'était dit dans la vignette. Merci, Lob. Voilà, 63-22 si vous avez la bonne réponse. Écran plat, iPod Shuffle ou alors tout simplement à gagner les iSwatch qui sont très tendance en ce moment. Bon, on va écouter maintenant Julien Derien qui officie tous les soirs entre 17h et 20h. C'est avec Evan dans la tribu. Julien Derien, le journaliste de référence qui est toujours dans tous les endroits du monde où il se passe quelque chose. Depuis plus d'un an maintenant, il y a une mode un peu spéciale qui est arrivée chez les adolescentes. Je sais pas si vous avez suivi un peu tout ça. Je parle des sex bracelets. Hein, vous avez regardé, oui, vous avez vu? Oui, oui, oui. Non, je sais pas ce que c'est. Alors, si vous savez pas de quoi il s'agit, bah, il y a Julien Derien, notre reporter, qui va évidemment tout nous expliquer. Attention, il est question d'adolescents, donc je me méfie quand même. Bonjour, Julien. Bonjour, Evan. Bonjour, tout le monde. En effet, les sex bracelets s'appellent comme ça car ce sont des bracelets en peau de bite. Voilà. Alors, évidemment, c'est pas. Hein, non, mais c'est pas vrai. Ils ont sorti en fait 8 bracelets de 8 couleurs différentes et chaque couleur correspond à une pratique sexuelle ou à un message différent. Alors on va faire un petit jeu qui est très très simple. Si vous deviez acheter un bracelet, de quelle couleur serait-il, Monsieur Milan? Jaune. Jaune. Alors, attends, je regarde dans le manuel. Ça veut dire que tu devras coucher avec une Asiate. Non. Sans évidemment, c'est pas vrai non plus. Hein. Le jaune correspond à la couleur du French Kiss. Voilà. Donc le Monsieur Milan, il veut bouffer de la bouche et laver des dents. Allez, suivant. Toi, coquine, tu veux quoi? C'est moi la coquine, là? Non, non, pas toi. Hein. Toi, j'aurais pas dit coquine, j'aurais dit... Non, Julien, non. Ok, pas de soucis. Bon alors, Evan, quelle couleur auriez-vous choisi? Non, ça vous fait bafouiller quand vous parlez avec moi, non, tiens. Julien, j'aurais choisi vert, tiens. Vert? Oui, vert. Putain, mais comment on peut vouloir porter un bracelet vert? Oh, c'est pas possible, vous méritez même pas que je vous donne la signification. Ah bah, voilà. Si tu la donnes pas, tu vas tracher les Google avec avant. Hein. Dis donc, Julien, là, je vais te retutoyer. Je fais ce que je veux, d'abord, c'est moi le patron, alors tu me donnes la signification, tu te mailles le cul. Bon, le vert, c'est la couleur de... Bah, c'est quand la fille veut qu'on lui offre une fleur. Oh, il est vanne le romantique. Oh là là, on reconnaît bien le... là, ton petit âge avancé, hein, papy. C'est emmerde. Alors toi, ma petite Noémie, tu aurais choisi quelle couleur? Ne me dis pas un de chaque couleur. Hein. Non, j'aurais pris le rouge, moi, parce que j'aime beaucoup le rouge. Alors, rouge. Oh là là, la pauvre. Oh non. Bon, bah écoute, je lis l'exacte signification qui se trouve sur le fascicule. Rouge, 2 points. La fille recherche un contact physique sous quelque forme que ce soit. Donc, visiblement, la Noémie, elle est tellement en galère de contact physique qu'elle rêve la nuit qu'on lui serre la main. Alors, attention, Milan et Evan, hein, lui faites pas la bise, il risquerait de vous violer. Voilà. Bon. Pour les couleurs qui restent, je vous fais un peu le topo. Il y avait le bleu pour la fellation, le noir pour la pénétration et la couleur dont on se fout, le blanc, qui correspond à l'amitié. Et vous auriez choisi quoi, vous, Julien, par exemple? Tiens, ça m'intéresse. Oh bah, couleur arc-en-ciel, hein, moi, je pense. Ouais. Ah bon? Non, mais moi, j'ai pas besoin d'un bracelet. Hein. Je viens de me faire un t-shirt avec écrit « J'aime la pipe », c'est plus direct. Oh, évidemment, je pouvais pas m'attendre à autre chose de votre part. Bon, allez, ça va pour aujourd'hui. Merci, Julien. De rien. Et voilà, 6h41 sur Fun Radio. Dans un instant, l'infotrafic. Et on va écouter RG maintenant avec Pitbull. You know it ain't love sur Fun Radio. Bonne matinée sur Fun. 6h44 sur Fun Radio. Dans quelques instants, restez là. Les prochains titres qu'on va vous diffuser, titre Dancefloor avec Rihanna qui arrive dans un instant. Ou encore le professeur Green, ce sera Read All About It sur Fun Radio. Et puis on va faire un petit point maintenant sur l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Eh bien, il y a un camion en panne sur le 42 Liège en direction de Mons à hauteur de Soirlet. C'est la bande d'arrêt d'urgence qui est obstruée au kilomètre 56.5. Et puis tu nous signales aussi un objet encombrant. Ah, oui, tout à fait. Je map, c'est sur de Mons. Voilà, comme ça vous le savez. Donc faites gaffe si vous êtes dans le coin, évidemment. Bon, tous vos messages également. Si vous êtes coincé sur, je sais pas, une route, une autoroute, peu importe, vous envoyez votre message au 3044. Tout simplement, vous nous précisez où vous vous trouvez et quel est le problème. Et puis comme ça, nous, on peut faire jouer la Fun Solidarité. Ou alors vous nous envoyez un petit mail, comme ça, c'est gratuit. mikl@funradio.be. Bah, je vous l'ai promis, Rihanna arrive dans un instant sur Fun Radio avec Calvin Harris. Ce sera We Found Love sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. 0473 86 0013. Yo, this is C'est le numéro de la ligne anti-relou. Vous le donnez et quand il appelle, on passe à l'antenne. Et oui, on le passe à l'antenne dès qu'il a laissé un message sur le répondeur, le 0473 86 0013. Numéro à bien entendu retenir par cœur car il peut vous sauver de tous les relous que vous risquez de croiser aujourd'hui ou même ce week-end par exemple. Dès que vous croisez un relou qui vous prend la tête, vous lui dites ah, écoute, j'ai pas le temps, mais tiens, je te donne mon numéro de téléphone, rappelle-moi vraiment, j'espère que tu le feras. Comme ça, il va lâcher l'affaire. Il va dire bon, c'est qu'elle est vraiment occupée, hein, si elle m'a donné son numéro de téléphone, c'est qu'elle est bien, quoi. Et du coup, bah forcément, on va terminer là. Je m'appelle Robert, je veux bien te rencontrer, rappelle-moi, s'il te plaît. Fais-moi signer le téléphone. Ouais, alors le problème c'est qu'il avait son téléphone dans sa bouche. Hein, non pas devant mais dedans, donc forcément. J'ai canadien moi. Forcément on comprend mal. Mais bon, il avait l'air relou de toute façon, on m'appelle Robert. Rappelle-moi s'il te plaît. Bon, et deuxième message. Le téléphone de la part d'Arnaud, c'est un de ses copains qui m'a dit éventuellement qu'il y aurait peut-être une possibilité d'avoir un plan sexe. Ben, si tu veux me contacter, il n'y a pas de souci, mais par contre, ça serait bien ce matin parce que s'il est bien matin, vous se mariez après. Oh, bah ouais, non, je comprends le pauvre s'il est bah marié. Oui, bah, s'il est marié, forcément, après ça pose des problèmes, hein, tu vois, c'est normal. Bah, ouais, bah évidemment. Oui, c'est horrible. Bah, c'est normal. Bon, mais allez, non, si vous avez. C'est horrible. Mais parce que c'est mal tout ça. Oui, c'est mal. Si vous connaissez d'autres relous, que vous voulez les faire atterrir sur la ligne anti-relou, ce sera avec plaisir, évidemment. 0473 86 0013. Prochain encart avec la ligne anti-relou, c'est dans moins d'une heure sur Fun Radio. Et puis on écoute Rihanna maintenant, c'est We Found Love. Bonne matinée sur Fun. 6h53 sur Fun Radio, je vous rappelle la devinette qui colle rapidement maintenant pour repartir avec vos écrans plats, vos iSwatch ou vos iPod Shuffle. Dunel, c'est l'extrémité, en cuisine il est battant, son cou nous remet sur pied. Qui est-il? C'est également l'objet préféré de Toff quand il va dans des endroits un peu, dans des clubs un peu particuliers, un peu fermés. Ah oui, j'adore ça, comme ça. Bah je me doute. C'est très fermé, c'est un cercle très fermé. Ah oui, c'est très j'essaie fermé. J'essaie d'attirer Julie mais elle ne veut pas. Oui, ça m'étonne pas. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 6322 pour inscription, c'est 1€ le message et vous repartirez peut-être avec vos écrans plats, vos iPod Shuffle ou encore avec votre iSwatch. Bon, c'est l'heure de faire chier du monde maintenant. Qui on va appeler? Pourquoi? On la va appeler à police. Bruxelles. Nous appelons la police. Police, monsieur. Pourquoi? Bah en fait, je sais pas si vous avez vu cette info. C'est un mec. En fait, il savait pas quoi faire. Ça se passe à Albi en France. Ouais. Et oui. Donc. Oui, oui. Donc le mec a appelé la police. D'accord. Voilà. Mais 90 fois. Voilà. Ah oui, donc on va le faire une fois, nous. En enfin, une journée. Une, deux fois. Mais... Ouais. Ah oui, d'accord. En okay. fait, le mec, il avait rien d'autre à foutre. Et donc, du coup, alors au début, les mecs, ils ont trouvé ça drôle. Bah, ils l'écoutaient. Et à la fin, bon, voilà. Bon. Bah, le mec voulait parler à quelqu'un. Voilà, il voulait juste parler. Okay. Et donc, moi aussi, j'ai envie juste de parler à quelqu'un. Allez, direction la police de Bruxelles maintenant. C'est parti. Hop là, ça sonne. Il y aura quelqu'un à sortir. Bon, attends, ils sont en garde quand même. Ah, oui, je sais. La police, monsieur. Oui, l'homme qui me rassure, qui me fait un signe de la tête en disant oui, t'inquiète. Ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps là. Bah oui. Surtout pour te mettre des PV, l'homme. Ouais, c'est clair. Dispatching. Oui, bonjour, monsieur. Dispatching. Bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je me sentais seul ce matin. Et voilà, j'avais envie de parler avec vous. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, je sais pas, j'avais envie qu'on discute. C'est quoi votre prénom? Marcel. Ah, Marcel. C'est un nom d'emprunt, je ne veux pas dévoiler mon vrai prénom, évidemment. Ah bon, c'est dommage, parce que moi j'espérais qu'on puisse faire connaissance et peut-être aller boire un verre ce soir ensemble, quoi. Ça me paraît impossible. C'est dommage, monsieur. Vous voyez, je vous appelle parce que j'avais envie d'un petit peu discuter avec quelqu'un et vous ne voulez pas discuter avec moi. C'est ce que je suis en train de faire, monsieur. Bah, oui, je ne peux pas m'étendre sur ma vie privée avec une personne que je ne connais pas. Bah, justement, faisons connaissance. C'est un peu pour ça que je vous appelle. Aïe, oui. Allô? Oui. Je vous écoute. Non, mais... Vous faisiez quoi avant dans la vie? Je suppose que vous avez été viré de votre boulot ou... Ah non, pas du tout, en fait. Non, j'ai fait des études, et puis après, bon, j'ai fait des petits boulots, mais je m'entendais pas avec le patron, alors je suis parti. Et puis là, je sais pas trop, en fait. J'engage à la police, hein. Ah, vous engagez? Moi pas, mais la police, oui. Ah oui, et ça se passe comment? Vous devez aller voir sur le site jobpol.be, et il y a toutes les informations, vous inscrivez, puis vous passez une série d'examens. Et c'est sympa la police, vous recommandez? On fait de tout à la police. Ah oui, ah, vous on faites de... Même les innocents. Ah, aussi les innocents, ah oui. Oui. Ah oui, mais c'est plus gênant ça quand même, non? Bah, ils sont tous innocents quelque part. Hein. Ah oui, c'est, on peut voir ça comme ça. Voilà. Bon. Bah écoutez, c'est gentil, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, monsieur. Si ça peut vous avoir fait plaisir, vous faire passer une bonne journée, monsieur, la mienne est réussie alors. Eh ben écoutez, tant mieux alors. Je vous souhaite une bonne journée aussi, monsieur. Oui, bonne journée. Hein. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. J'espère qu'on se reverra à la police. Eh ben dis donc, quelle gentillesse. On voit qu'ils avaient rien à foutre à 6h56. Très sympa. Non, non, franchement le mec il était cool. Ah ouais, très bon esprit hein. Putain, c'est normal, j'étais déjà arrivé. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais forcé un peu, je pense qu'on aurait pu aller boire un verre ce soir. Qui sait, ouais. Bon ben on appellera d'autres polices tout à l'heure. Si vous connaissez des bureaux de police un peu sympas qui sont un peu nerveux, n'hésitez pas à nous transmettre les numéros au 3044 dans un instant sur Fun. Le professeur Green débarque avec Read All About It. Et puis l'info de Julie aussi dans quelques instants sur Fun Radio. Restez là. Ne bougez pas. Fun. Nickel à la radio. Reviens juste après ça. Fun Radio. Nickel à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Nickel est en direct sur Fun Radio. Fun. Radio. Le professeur Green à l'instant, Read All About It sur Fun Radio. Dans un instant, je vous rembourse vos factures au 6322 code facture. Je vous explique comment faire. On écoutera Flo Rida aussi et on passera l'actu dans un instant. Mickaël, à la radio, Fun Radio. Il est 7h sur Fun Radio. On passe à l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Mathias Suarez a remporté le soulier d'or 2011 à 23 ans. L'attaquant d'Anderlecht succède à Embark Boussoufa. L'Argentin a été plébiscité devant Witsel et Courtois. Une accompagnatrice de train a été agressée hier soir. L'agression a eu lieu peu avant 20h sur la ligne reliant la gare de Bruxelles-Luxembourg à celle de Malines. Trois individus non identifiés sont montés à bord du train. Ils ont menacé l'accompagnatrice avec une arme à feu. Ils l'ont ensuite porté des coups avant de prendre la fuite à l'arrêt suivant. La victime est blessée à la tête, mais ses jours ne sont pas en danger. La moitié des amendes ne sont pas payées pour l'année 2010. Ce manque à gagner est évalué à au moins 70 millions d'euros. Il s'agit surtout d'infractions graves au code de la route. Effectivement, ça concerne l'OB, qui finissent devant le tribunal de police. Au total, les juges de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles ont fixé des amendes pour plus de 133 millions d'euros en 2010. Mais l'argent apparemment tarde à rentrer dans les caisses de l'État. Un médecin spécialiste sur 5 âgé de plus de 55 ans est confronté à des problèmes d'alcool d'après une enquête menée par l'université d'Anvers auprès de 1500 médecins. Parmi les médecins de plus de 65 ans, près d'un sur trois serait concerné par cette problématique. Le parquet de Wyche a finalement révélé l'identité du corps à moitié carbonisé retrouvé hier matin à la gare d'Amé. Il s'agirait d'un homme âgé de 52 ans et pas d'un SDF comme l'avaient suggéré certaines sources. L'individu a été vu pour la dernière fois vers 20h mardi soir quittant un café. Les enquêteurs tentent de combler l'emploi du temps de l'homme entre 20h et 5h du matin le lendemain, heure de la découverte du corps. Et si les coups portés à la tête de la victime sont avérés, les causes exactes du décès sont encore à déterminer. Yves Bopin, l'Arsène Lupin belge, a été arrêté. Il risque jusqu'à 2 ans de prison. La police bruxelloise était activement à la recherche de ce cambrioleur multirécidiviste depuis hier, suite aux menaces de mort envoyées par fax à 2 magistrats bruxellois. Pour le moment, Yves Bopin use de son droit de garder le silence. Les visites seront gratuites chez les vétérinaires en février. Les propriétaires de chiens et de chats pourront se rendre pendant tout le mois de février chez le vétérinaire pour effectuer un examen de prévention gratuit. Cette initiative est organisée pour la première fois à l'échelle nationale. Renseignements et inscriptions sur le site www.saisondelaprévention.be. Et puis à l'étranger, en Syrie, des journalistes dont une équipe de la chaîne flamande VRT ont été la cible de tirs mercredi dans la ville de Homs. Un journaliste français de la chaîne France 2, Gilles Jacquier, a perdu la vie. Les membres de l'équipe belge sont eux sains et saufs. Et puis enfin au Brésil, le bilan des pluies torrentielles qui frappent le sud du pays depuis décembre s'élève au moins à 33 morts, dont 5 personnes victimes d'un glissement de terrain retrouvé mercredi. 7h03 sur Fun, dans un instant l'info en plus, dans un instant je vous rembourse vos factures et on passe à la météo de suite. Le ciel sera plombé dès ce matin et rares seront les éclaircies. Le temps sera généralement sec durant la journée mais la pluie fait son retour dès ce soir. Température de 6 à 10 degrés, demain temps plus frais, un petit peu de neige sur les reliefs ardennais et quelques éclaircies partout ailleurs. Très bien, je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures de solde dans un instant. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, je vous appelle dans 5 minutes. Fun Radio. Fun Radio. 7h05 sur Fun, je vous rembourse vos factures dans un instant. Il suffit simplement de m'envoyer au 6322 le code facture. Tout simplement, vous mettez ensuite solde puisque je vous rembourse, quoi qu'il arrive, 50 euros pour que vous puissiez aller faire les soldes. Ou alors, si vous avez déjà fait les soldes, c'est bon aussi, je vous rembourserai vos 50 euros. 6322, débutez le message par facture et puis vous mettez solde. Je vous appelle dans 3 minutes à peu près. En attendant, l'info en plus. Eh bien, des chercheurs italiens ont détecté de la cocaïne dans l'atmosphère. Alors en été, ils font des relevés de l'air pour s'informer un peu de la teneur en ozone, en gaz carbonique ou en pollen pour les personnes qui souffrent d'allergies, pour pouvoir prévenir un petit peu comment ça se passe. Et puis 2007, ils se sont focalisés sur d'autres substances comme la drogue. Et alors une équipe de chimistes a détecté des traces de cocaïne dans l'air de Rome et de la ville de Tarente. Ah ouais, sympa ça. Ils se sont rendus compte que forcément, entre guillemets, ça paraît quand même assez logique, la cocaïne qu'on retrouve dans l'air, c'est évidemment dans les quartiers où la consommation de stupéfiants est répandue. Ouais, ça nous paraît assez logique. Et donc, c'est une avancée scientifique vachement intéressante pour les forces de l'ordre. Pourquoi ? Parce que maintenant, ils peuvent se rendre compte où est-ce qu'on consomme le plus de la drogue. Avant, ils allaient faire des enquêtes de quartier pour voir un peu la population, ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait beaucoup de dealers dans le coin. Ça prenait beaucoup de temps, c'était super coûteux. Maintenant, ils vont pouvoir analyser l'air pour se rendre compte où est-ce qu'il y a le plus de drogue circule, puisqu'il y a, si on retrouve de la cocaïne dans l'air quand même, c'est que forcément il y en a un paquet. C'est qu'il y en a pas mal, ouais, je pense. Voilà. Et ils se sont rendus compte aussi d'une autre chose, c'est que là où le taux de la cocaïne est le plus élevé, bien c'est là où il y a le plus d'infractions. Comme des vols, par exemple. Comme par hasard, tiens. Ouais, comme par hasard. Étrange. Ceux qui sniffent le plus de cocaïne ont plus tendance à aller voler les gens. Tu m'étonnes. Bon, bah, c'est très bien comme ça. Bonne nouvelle si jamais. Tu te balades dans un quartier tout tranquillement et puis tu sniffes de la coke sans le savoir. Voilà, si jamais vous voulez pour pas cher, vous allez prendre un billet Ryanair, vous allez à Rome et puis voilà. Voilà, c'est un peu ça. Ça vous fait la bonne affaire, tiens. Ça fait peur. Allez, 7h07 sur Fun Radio, je vous rembourse aux factures dans un instant. 6322 code facture, puis vous mettez solde. Je vous offre 50 euros dans 2 minutes après Florida sur Fun. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, on est comme ça sur Fun Radio tous les matins, 7h10. Mais ouais, 7h10, 8h10 et 9h10, on appelle chez vous en direct pour vous offrir le remboursement de vos factures. Spécial solde cette semaine, puisqu'on vous rembourse 50 euros cash d'office, quoi qu'il arrive, pour vous rembourser une partie de vos soldes ou vos soldes complètes. Ça dépend ce que vous avez acheté. Si vous avez déjà acheté ou si vous comptez aller faire les soldes, ce n'est pas grave, vous pouvez vous inscrire quand même. 6322 code facture, c'est parti, on y va. On appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit, si il ou elle décroche et répond bien à la question que je lui pose, c'est-à-dire qui paye les factures le matin, elle remporte les 50 euros. Allez. Et on signale un accident sur la E411 à hauteur de Wavre en direction de Bruxelles. La sortie 8A. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Oui, allô, bonjour. Qui paye les factures le matin ? Pardon ? Qui paye les factures le matin ? J'ai un écho donc. La radio. Eh ben voilà, hop là, c'est parti. Je pense qu'elle écoutait d'ailleurs. Oui, je pense également, mais c'est bien. Comment t'appelles-tu ? Oh, je m'appelle Claudine. Tu m'appelles Claudine, je crois qu'elle allait dire, bah, je sais plus. J'ai oublié. Claudine, t'es dans quelle ville ? Dans quelle ville ? Bah, près de Charleroi, sur la commune de Puvet. D'accord, 103.5 pour écouter Fun Radio à Charleroi, très bien. Sois la bienvenue, Claudine. Tu t'es inscrite pour repartir avec le remboursement des 50 euros pour les soldes. Eh bien, c'est chose faite. Qu'est-ce que tu as déjà acheté pour les soldes ou tu vas aller faire les soldes ? Ah bah écoutez, j'ai juste accompagné ma fille et ça lui porte très plaisir, 50 euros. Ah oui, pour une fois, elle sera contente d'aller avec sa mère. Hein, si, voilà. Si elle a le portefeuille qui va à côté, tu m'étonnes. Bon, et bah, très bien, comment s'appelle ta fille ? Maude, elle écoute fun au moins. Elle écoute fun au moins, j'espère. Ah ben voilà, elle est juste près de moi. Ah, très bien, quel âge est-elle ? Oui, elle a l'air jeune, je pense alors. 16 ans. Ouais. 16 ans, mais laisse tomber, Tof, tu peux prendre tu peux mettre une option pendant 2 ans si tu veux. Mais pas maintenant. Bon, et bah Claudine, 50 euros c'est pour toi, on va te rembourser ça, tu vas rester au standard, on t'explique comment ça se passe, d'accord ? C'est parti, merci. Salut, gros bisous Claudine, ciao. Et si comme Claudine, vous voulez aussi qu'on vous rembourse vos factures, un seul numéro, 6322, vous débutez votre message par facture avec solde juste derrière. Et dans un instant sur Fun Radio, on parlera d'une nouvelle émission de télé, vous allez voir, ça déchire. Et oui, on écoutera aussi DJ Joss, Magic Cat et Mandy sur Fun avec I Want You. Bonne matinée, il est 7h12. Ne bougez pas, Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. 7h16 sur Fun Radio, bon réveil. On va jouer au êtes-vous plus intelligent qu'une Miss dans un instant. Si vous aussi vous voulez repartir avec votre iPod Shuffle, si vous si vous arrivez à répondre aux 5 questions de Miss tout simplement, hein. Question relativement simple, n'est-ce pas Ophélie? Je sais pas. Donc, voilà, c'est bien la preuve que c'est relativement simple. Si vous avez envie de jouer donc et de gagner votre iPod Shuffle, vous envoyez Miss au 6322 et on joue dans quelques instants. Et puis on va parler maintenant. Ah oui, alors justement, je vais d'abord vous faire écouter quelque chose et puis vous allez me dire si ça vous fait penser à quelque chose. Allez, on y va, on va se les farcir comme des petites pintades. Moi je prends mon appareil, toi tes jumelles. Allez, vas-y. Et on y va. Ça passe. Hop. Voilà, ça vous fait penser à quoi? Un truc en particulier ou pas? Ouais, on dirait un vieil épisode de chasse et pêche. Mais oui, c'est vrai. S'ils prennent les jumelles, c'est qu'ils partent à la chasse, c'est oui. La même chose. Alors attends, je vous aide un peu. Là, on l'a dans l'appareil. Moi, tu l'as aussi, Michel, dans tes jumelles? Oui, Michel. Tout à fait. Encore une grosse remorque de bois de 3 minimum 3 tonnes qui, avec le matériel derrière, qui va pas ranger le chemin. Eh oui. Depuis l'arrêt de sans aucun doute, c'est Julien Courbet qui avait forcément laissé les voisins se démerder. Mais heureusement, Henri Lecomte est arrivé depuis quelques temps, tel le chevalier blanc, justement. Et heureusement, parce que ça devenait forcément un petit peu tendu avec les voisins. Hein. Votre fils, quand il avait un quad aussi, qu'il est en bas, il s'est fait choper par le voisin du bas, il descendait comme un verlo. Ouais, enfin, on n'en est pas au quad. Il fait le bordel tout, chez Michael, toi. Tous les matins. Fais le bordel chez toi. J'ai jamais compris comment est-ce qu'on pouvait en arriver fais là avec le bordel chez toi. C'est moi, dingue. J'ai jamais compris pourquoi un ancien joueur de tennis, c'est celui qui maintenant qui joue médiateur, quoi. Mais ça, oui, c'est aussi, ouais. Mais cela dit, elle est à bout, hein. Sylvie, c'est elle qu'on entend. J'en ai marre. Vous pouvez pas vous imaginer comme j'en ai marre. Ah oui, j'en ai marre. Elle en a marre, je pense. Non, mais la question, c'est gracieuse. Non, la question, c'est à votre avis, pourquoi tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? À votre avis. Sort de quad ou je sais pas quoi. Pas du tout en fait, c'est pour un chemin. Alors oui, c'est vrai. En fait, ils se prennent la tête parce qu'il y a des trous dans le chemin qui relient leurs deux maisons à la route. Voilà. Alors cette histoire, c'est vraiment incroyable, mais c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Et oui. Heureusement, Henri Lecomte va arranger tout ça et forcément, comme dans Confessions intimes, ça finit bien. Alors si ça pouvait finir sur un bon meurtre en direct à la télé, là ce serait quand même relativement fort, non? Ouais, là ce serait bien. Ouais. Moi je suis d'accord. Ça pourrait faire de l'audience. C'est vrai. Ça changerait, vrai. Tu vois. En général, ça termine toujours bien. Il est temps que ça termine mal. Mais voilà. Tu vois, un meurtre ou tel, le mec qui arrive, qui les plante derrière. Exactement. Là. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que cette émission est quand même relativement bien faite, bien finie, bien magnifique, puisqu'il y a quand même une vraie phrase. Moi, je pense que Michael, il se prend pour le chef du quartier. Oui. Eh oui. Oui. Mais oui. Mais en toute simplicité, je pense que effectivement, je me suis dit depuis le mois d'août, Mickaël se prend quand même un peu pour le chef du quartier. Je pense que c'est assez clair. Je pense que tout est dit. Merci à toi en tout cas Sylvie. Hein. Je pense que tu as bien résumé. Tu as bien résumé la situation. Mickaël a tort. Non, c'est pas ça. Du tout. Pas du tout. Non, moi, je trouve ça pas mal. Allez, on écoute Jaroul et Always on Time maintenant et on joue au jeu des Miss juste après sur Fun Radio. Bon réveil avec nous. Moi, je pense que Mickaël, il se prend pour le chef du quartier. À l'instant et à Chantilly à l'instant sur Fun Radio. Et je vous rappelle la petite devinette qui colle avant de vous donner la réponse dans moins de 5 minutes. C'est si vous voulez repartir avec vos iPod Shuffle, vos Ice Watch ou encore vos écrans plats. Dunel, c'est l'extrémité en cuisine. Il est battant, son coup nous remet sur pied. Qui est-il? C'est l'objet préféré de Toff quand il va dans les clubs un peu spécifiques. Oui. Voilà. Et puis ça peut servir également. Bon, ça s'appelle pas pareil, mais ça peut servir pour les chevaux par exemple, pour les faire avancer. Ça pourrait servir. Mais oui, c'est pas tout à fait le même nom. C'est plus au cirque pour les tigres et les lions. Oui, c'est vrai. Ça fait. Ouais. Quel bon imitateur. Oh ouais. Là, c'est pas mal. Non, là, franchement. Tu mérites un prix pour je ça. Je pense que c'est tu pas peux passer le truc qui dit que c'est toi le chef. Oui, je te confirme. Effectivement, puisque tu insistes, ce sera avec grand plaisir. Moi, je pense que Michael, il se prend pour le chef du quartier. Mais oui. Mais là, tout à fait raison, effectivement. Oui. Bon, allez, nous allons jouer maintenant avec Ronnie qui est là. Salut, Ronnie. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va bien, ouais. T'appelles de Forêt, toi? Bah pas loin de la radio. Ah bah non, pas loin, puis je travaille pour la commune. Ah, tu travailles pour la commune? D'accord, ok. Ouais. Bah très bien, bah sois le bienvenu, Ronnie. T'as 30 ans, toi, donc de Bruxelles, 104.7, ouais. Et tu vas jouer au jeu des Miss. Seras-tu plus intelligent qu'une Miss, tu penses? Oh, je sais pas, je suis blond, alors. Ah, t'es blond? Bah oui, ça n'aide pas, évidemment. Bon, attends. Ouais, tu pars déjà avec un handicap, effectivement. Bah ouais. Qu'en pense Ophélie? Je sais pas. Ah, elle sait pas non plus. Bon, bah très bien. Tu penses vraiment pas qu'il va gagner? Je sais pas. Bon, bah écoute, ok, là, je saurais que pour la prochaine fois, que ce n'est pas la peine de lui poser la question. En même temps, elle sait pas grand chose. Non, elle sait pas grand chose. T'as remarqué aussi, toi. Hein. Bon, Ronnie, on va y aller. 5 questions. Il faut répondre correctement aux 5 questions pour repartir avec l'iPod Shuffle. Tu es prêt? Ok. Allez, c'est parti. Combien y a-t-il de régions en Belgique? De régions. Allez, c'est pas grave, je vais inventer une nouvelle règle, tu peux passer, on y reviendra après si tu veux. 11. Attends, mais oui, bravo! Non, non. Plus que province. Et non, tu as confondu avec province, région, non, c'est même, trois. Même province. Ah oui, non, mais oui, en plus, oui. Non, mais enfin, c'est trois, de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est dommage. Bon, question suivante, quand même, pour le sport. Quel acteur belge a remporté une palme d'or à Cannes en 1993 pour le film C'est arrivé près de chez vous? L'Hub connaît la réponse. Ouais, Benoît Poulvord. Eh oui, Benoît Poulvord, bonne réponse. Alors, attention, question suivante. Vrai ou faux, Sa Majesté le Roi Albert II n'a que trois enfants? Faux. Faux, effectivement, il en a au moins quatre. Question suivante. Comment sont appelés les habitants de Chauxfontaine? Chauxfontainois. Non, mais non, les enfin, pour le coup, franchement, même moi, je sais pas. Les Calidifontains. Oh là là, c'est cette question. Ouais, pour le coup, c'est trash. Hein. C'est dur. Et alors, pourquoi la ville de Spi est connue dans le monde entier? La ville de? De Spi. Spi. Oui. Elle est connue dans le monde entier, mais pourquoi? Bah non, là, vraiment, aucune idée. Ah bah, l'homme de Spi. Bah oui, un squelette vieux de 36 000 ans. Eh oui, l'homme de Spi. Ah, il ne sait pas de quoi on parle, mais c'est pas grave. Ronnie, malheureusement, l'homme de Spa. Non, je t'aurais offert des places de ciné si t'avais répondu correctement à cette dernière question. Parce que j'avoue que Chauxfontaine, c'était pas forcément la plus simple. Et une erreur, ça permet de repartir avec des places de ciné. Mais bon, là, malheureusement, tu retentes ta chance quand tu veux, Ronnie. C'est archi connu. Bah oui, mais c'est pour ça. Bon, ben, Ronnie, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ok, merci. Allez, je t'en prie, à bientôt sur Fun Radio. Et puis on va dans quelques instants jouer aussi à notre grand jeu, le ni oui ni non, ni vous verrez bien. Si vous voulez vous inscrire, eh bien vous faites le 6322, vous mettez oui tout simplement dans le message. Et puis on vous rappelle dans un instant, 6322, code oui pour jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien. On a besoin de deux personnes, ce sera avant 8h sur Fun Radio. Et puis là, avant d'arriver aux infos, c'est Licky Lee, c'est I Follow Rivers. Radio 7h28, dans un instant, le son préféré de Julie, Bob Sinclair et le Colonel Rayel avec Minat Gangsta. Et puis nous allons, et oui, pendant que Lob il racontait sa live en faisant des remarques sur ce que je disais hors antenne, fait du coup, on a personne pour la devinette qui colle. Voilà, voilà. C'est aussi simple que ça. Allez, c'est bon, devinette qui colle. Dunel, c'est l'extrémité. En cuisine, il est battant. Son coup nous remet sur pied. Qui est-il? La bonne réponse, il fallait l'envoyer au 6322 par SMS. Et puis nous allons prendre maintenant quelqu'un qui justement est dans le standard et qui est censé en tout cas avoir la bonne réponse. C'est Thomas, 16 ans de marche. Salut Thomas. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien et vous? Eh ben ça va bien. Thomas, t'as la réponse à la devinette qui colle? Oui, c'est le fouet. Eh ben oui, le fouet, effectivement. Oh, je l'ai mal fait là. Oui, c'était moi. On aurait dit un crachat là, c'était dégueulasse. Bon, et bah écoute Thomas, on va te filer les cadeaux comme promis. Tu vas gérer ça avec Lobo Standard, sans problème, d'accord? Ça va, merci bien beaucoup. Merci bien beaucoup, mais merci de rien de beaucoup. C'était beau aussi ça comme promis. Ouais. J'essaie de faire une phrase à l'envers, mais ça a refroidi. Heureusement qu'on est jeudi, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bah salut Thomas. Hein. Salut, merci. Allez, à bientôt. Bon, nouvelle devinette qui colle avant de faire un tour du côté de l'info. Celle. Oui. Oula, c'est non, pas facile. C'est marrant parce que dans l'énigme il y a marqué celle une cellule. Non, je vais faire une autre. Elle a l'air un peu bizarre celle-là au début. Problème. Non, elle a l'air un peu bizarre, effectivement. Bon, vous savez quoi, je vais le faire après l'info. Ça me paraît pas mal. Comme ça, j'ai le temps de la lire à l'avance, tout ça. Bob Sinclair dans un instant arrive avec Minat Gangsta sur Fun Radio. Et il est 7h30, c'est parti pour l'info maintenant avec Julie, bonjour. Bonjour à tous, Mathias Suarez a remporté le soulier d'or 2011 à 23 ans. L'attaquant d'Anderlecht succède à Mbarque Boussoufa. L'Argentin a été plébiscité devant Witzel et Courtois. Une accompagnatrice de train a été agressée hier soir. L'agression a eu lieu peu avant 20h sur la ligne reliant la gare de Bruxelles-Luxembourg à celle de Malines. Trois individus non identifiés sont montés à bord du train. Ils ont menacé l'accompagnatrice avec une arme à feu et ils lui ont porté des coups avant de prendre la fuite à l'arrêt suivant. La victime est blessée à la tête, mais ses jours ne sont pas en danger. Le décret inscription est réformé. Le système controversé créé en 2009 pour régir les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire a encore changé. Les enfants qui sont scolarisés près du lieu de travail de leurs parents seront mieux pris en compte, alors qu'avant les critères favorisaient la proximité entre école et domicile. C'est une décision de la Cour constitutionnelle saisie par la commune de Villiers-la-Ville qui est à l'origine de ce changement. La moitié des amendes ne sont pas payées pour l'année 2010. Ce manque à gagner est évalué à au moins 70 millions d'euros. Il s'agit surtout d'infractions graves au code de la route et qui finissent devant le tribunal de police. Au total, les juges de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles ont fixé des amendes pour plus de 133 millions d'euros en 2010, mais l'argent tarde à rentrer dans les caisses. L'ancien organisateur du Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps est renvoyé en correctionnel. Il est accusé de détournement de plus de 1,6 million d'euros et de faux dans le but de s'enrichir. Et Didier Defourny avait été inculpé en juin 2010 d'abus de biens sociaux après une perquisition et une audition réalisée en 2005. Yves Bopin, l'Arsène Lupin belge, a été arrêté. Il risque jusqu'à 2 ans de prison. La police bruxelloise était activement à la recherche de ce cambrioleur suite aux menaces de mort envoyées par fax à 2 magistrats bruxellois. Pour le moment, Yves Bopin use de son droit de garder le silence. Un médecin spécialiste sur 5, âgé de plus de 55 ans, est confronté à des problèmes d'alcool, d'après une enquête menée par l'université d'Anvers auprès de 1500 médecins. Parmi les médecins de plus de 65 ans, près d'un sur 3 serait concerné par cette problématique. Et puis enfin, à l'étranger, en Syrie, des journalistes dont une équipe de la chaîne flamande VRT ont été la cible de tirs dans la ville de Homs hier. Un journaliste français de la chaîne France 2, Gilles Jacquier, a perdu la vie. Les membres de l'équipe belge sont eux sains et saufs. Et puis au Brésil, le bilan des pluies torrentielles qui frappent le sud-est du pays depuis décembre s'élève à au moins 33 morts. Et il est 7h33. Avant de passer à la météo, il y a un petit SMS qui est arrivé. Purée, je donne tout le temps les bonnes réponses et vous me sonnez jamais, c'est de l'arnaque. Oui, c'est comme oui, c'est comme l'Euromillion ou le loto. Je joue tout le temps et pourtant je gagne jamais. Hein. Ça doit être de l'arnaque. 7h33, c'est la météo. Le ciel sera plombé une fois de plus dès ce matin et rares seront les éclaircies. Le temps sera généralement sec, mais la pluie fait son retour ce soir. Température de 6 à 10 degrés. Demain, temps plus frais, un peu de nuage, de neige, sur les reliefs ardennais et quelques éclaircies partout ailleurs. Dans un instant, le ni oui ni non, ni vous verrez bien. On va jouer à ce grand jeu qui fait un petit battle entre deux auditeurs. Le premier qui arrive à faire dire les mots interdits à l'autre aura gagné, bien évidemment. Et puis avant d'écouter aussi Bob Sinclair et le colonel Rayel, c'est bien évidemment l'info en plus. Eh bien, moins de 8 hommes sur 10 changent de sous-vêtements tous les jours. Oui, c'est comme l'ob. Voilà, donc j'avais fait une question à vous poser. Effectivement, par rapport à ça, est-ce que toi, tu l'ob, tu changes de caleçon tous les jours? Bah oui. Non, tu fais semblant. Pas à l'antenne, tu dis ça, mais est-ce que c'est vrai? Il nous a dit l'inverse en antenne, faut savoir. C'est ça, parce qu'apparemment. En fait, je garde le même pendant 3 semaines. Mais ça me paraît beaucoup plus logique. Économique. Parce que oui. Ce qui se passe, c'est que tu vois, comme ça, j'en achète beaucoup moins, tu vois. Bah oui. Alors j'en achète un, et puis alors après 3 semaines, quand il est vraiment sale, tu vois, quand je l'ai retourné dans tout seul. Je le jette, voilà. Tu le jettes, d'accord. Et j'achète un autre. Ça ne m'étonne pas parce que tu es célibataire, on fait bien sûr un appel à toutes les filles qui nous écoutent. Et les personnes célibataires sont moins susceptibles de mettre des vêtements propres tous les jours. Susceptibles. Bah, à la limite, j'irais plutôt l'inverse parce qu'ils sont sur le coup pour éventuellement rencontrer quelqu'un. Donc tant qu'à faire, autant être propre tout le temps, tu vois. Ils devraient, mais en tout cas, c'est eux qui sont qui changent de sous-vêtements. Le moins souvent. En fait, un homme sur 5 ne change pas de slip tous les jours. Ah oui, quand même. Ouais. Bon. Alors je pensais qu'il était important que les femmes soient au courant de révélation. Et les femmes, elles changent de string tous les jours. Mais les femmes, même pas besoin de faire d'études là-dessus. On sait que les femmes sont propres. Ouais, enfin, t'as des grosses crados aussi. Faut arrêter maintenant. Hein. T'as besoin de régler ça. Non, mais c'est même pas ça. Mais t'as des grosses crados. Faut le savoir. Ça existe, c'est vrai quand même. Ah non. Pas du tout. Arrête un peu là. Chez les femmes, mais c'est impossible. 7h35. Les femmes sont des princesses. Elles ne font pas caca. Mais bien sûr. Évidemment que non, Job. 7h35 sur Fun Radio. Bon réveil. C'est jeudi le 12 janvier. Nous allons jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien dans un instant. Et puis la nouvelle devinette qui colle pour repartir avec vos écrans plats, iPod, Shuffle. Ou encore les Ice Watch, ce sera dans quelques instants après Bob Sinclair et le colonel Rayel maintenant sur Fun Radio. Mina the Gangsta. Et ça y est, Julie déjà remue le corps et c'est la fête. Tu penses, je vais faire un petit tour. Hein. Mais tu peux. Un tour sur Elena, évidemment. 7h37 sur Fun. Dans un instant, Ina et Juan Magan. Ça sera un momento. Et puis là, la petite devinette qui colle avant de faire le ni oui ni non. C'est le synonyme de gros par qui on jauge les bateaux. Mais si vous êtes dans l'auto, dans la voiture, moins vous en faites et mieux ça vaut. Qui est-il? En général, on met le vin dedans également. Il y en a plein dans les caves à Porto, par exemple, au Portugal. Voilà, si vous avez la bonne réponse, c'est énorme. Ça peut être foutu aussi, mais enfin, en règle générale, c'est énorme. C'est le synonyme de gros par qui on jauge les bateaux. Mais si vous êtes dans l'auto, moins vous en faites et mieux ça vaut. Oui, et en général, si vous en faites, la voiture est pour la poubelle. Mal barré. Oui, c'est plutôt mal barré. 63, 22, c'est 1 € le message. Il y a des iPod Shuffle, des écrans plats ou encore des Ice Watch qui sont à gagner ce matin. Et pour jouer, nous avons Mirko et Issam avec nous. Bonjour tous les deux. Salut. T'as vu Mirko, en plus, je viens de mettre ta chanson préférée. Parce que Mirko, faut savoir J'ai entendu ça, ça m'a fait vraiment envie d'aller sur le pont. Hein. Faut savoir que Mirko est un auditeur fidèle qui adore le colonel Rayel. Bon alors, Mirko et Issam qui veulent s'affronter donc au ni oui ni non ni vous verrez bien. Et bah le concept, une minute de discussion entre vous et le premier qui arrive à dire, à faire dire à l'autre ni oui, enfin qui arrive à faire dire oui, non ou je, voilà, aura perdu. Enfin aura gagné en l'occurrence. D'accord. Donc Mirko, si t'arrives à faire dire à Issam oui, non ou je, eh bien tu gagnes et inversement pour Issam. D'accord. D'accord. Bon, vous êtes prêts. Donc attention, vous ne pouvez pas dire oui, vous ne pouvez pas dire non et vous ne pouvez pas dire je. D'accord. Que ce soit clair. D'accord. On y va. C'est un peu le combat des titans. Hein. Attention, deux, ouais. Deux fidèles auditeurs. Hein. Exactement, deux fidèles qui sont souvent sur le groupe Facebook d'ailleurs. Ouais. Attention, Mirko, Issam, on y va. Une minute à partir de... Maintenant. Non. Top, maintenant. Comment Issam ? Ouais, très bien, toi. Ouais, boum, Issam. Voilà, voilà. Eh ben voilà. Ça a été rapide, court et intense. Bingo. Ça a été énorme. Ça va, Issam. Bravo, Issam. Eh ouais. Quel talent. Quel talent. Je pense que Issam va se faire. Ah ouais. Ça restera dans les annales, hein, je pense. Oui, non, je pense qu'il va changer des radios en fait. Il va plus écouter. Ouais. Tellement il va savoir qu'on va en reparler régulièrement. Et tu oui. te rappelles Issam quand tu es ici. Issam, en tout cas, j'espère que tu es content. Tu viens d'offrir un iPod Shuffle à Mirko. Et ça, c'est bon. Eh oui, tu veux quelle couleur, Mirko, là, histoire de bien faire râler Issam. Écoute, Mickaël, je peux te demander quelque chose? Dis-moi. Ben voilà, il y a un petit mois, un peu plus d'un mois environ, j'avais gagné une télé. Alors, si tu es d'accord, j'offre l'iPod à Issam. Eh ben, merci, oh, je le garde. Oh là là là là. Merci Mirko de me l'offrir. Et franchement, bien. Ça me touche énormément. Je suis vraiment très content. Et c'est Issam. Et ben, comme dit Toff, on a toujours les auditeurs qu'on mérite. Et ben là, franchement, on a des tout bons auditeurs. Mais non, on a des tout bons auditeurs. C'est vrai. Quel beau geste. Eh bien, Mirko, bravo à toi, Issam. Tu repars avec l'iPod. L'iPod. Ah, merci Mirko. Ben, surtout merci Mirko. Hein. Ça tiendrait qu'à moi, tu auras rien gagné. Il n'y a pas de problème. Bon, ben merci Mirko, merci à vous en tout cas. Et puis ben, bravo pour cette victoire, Mirko, malgré tout. Merci Mickaël. C'était merci de générosité. Bon et bravo pour cette défaite, Issam, c'était magnifique. Ah oui, ah ben, c'était très très bon. Salut à vous deux, passez une bonne journée, à bientôt. Allez, salut à vous. On écoute Ina maintenant et Juan Magan, c'est Un Momento sur Fun Radio. 7h43 sur Fun Radio, restez bien avec nous puisque dans moins d'un quart d'heure et dans le prochain quart d'heure en règle générale, nous écouterons le son de Example ou encore Beyoncé avec l'Avantap. Et puis là c'est l'heure de faire un point sur le trafic, que se passe-t-il sur les routes? Accident sur le 411 à hauteur de Hondelang, je sais pas très bien comment on prononce, en tout cas c'est depuis Bruxelles en direction du Luxembourg. Une bande est obstruée, il y a des files à cet endroit, 3 km de file plus précisément. Et puis accident toujours sur la E411, c'est un peu plus bas, ça vient de disparaître, à hauteur de Louvrange, voilà, c'est d'accord. Depuis Namur en direction de Bruxelles. Très bien. Et puis accident sur le 40, Liège en direction de Bruxelles, à hauteur de Sterrebeek, deuxième bande qui est obstruée au kilomètre 8.4. Et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, 3044, vous nous le signalez pour qu'on puisse faire jouer la Fun Solidarité. Sans oublier aussi le mail, ça fonctionne, mikl@funradio.be. 7h44, on revient dans un instant avec Example, Stay Awake. Ça arrive après ça sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Donnez-leur le numéro de la ligne anti-relou. 0473 86 0013. On vous passe le meilleur message. Tous les matins sur Fun, 7h48, on nous signale vite fait d'abord un petit flash sur l'autoroute dans le sens Liège-Bastogne à hauteur d'EY. C'est Steve qui nous signale ça. Merci à toi Steve pour la Fun Solidarité. Tous les autres messages par rapport à la route, n'hésitez pas à nous les envoyer au 3044, 50 centimes le message, ou alors sur mikl@funradio.be. Comme ça c'est gratuit. Il y a un message qui dit Ophélie, elle est pas là aujourd'hui. Bah si, t'es là Ophélie. Je sais pas. Ah bon, alors si tu sais même pas que t'es là, alors ok. Alors d'accord, hein, moi je ne dis plus rien, il n'y a pas de problème. Allez, ligne anti-relou maintenant, le 0473 86 0013. Ce sont les meilleurs messages qu'on vous diffuse tous les matins de tous les relous qui ont été, sans le savoir, sur la ligne anti-relou. Écoutez le premier. Oui, madame Picone, bonjour. Madame Garot, je suis au regret de vous annoncer qu'Adeline est exclue de l'établissement à compter d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, mardi inclus. Et donc, il faudrait venir la rechercher, le motif de son exclusion et injure envers un enseignant. Écoutez, j'attends votre coup de fil. Merci beaucoup. Ouais, bah dis donc, il fera mieux de s'acheter des bons téléphones à l'enseignement. Qu'elle est toujours en train d'attendre sa mère. Ah oui, là, je pense qu'elle attend toujours. Mais... C'est mal, ça, t'imagines. Mais c'est très mal. Une fille qui insulte les enseignants. Quoi. C'est mal. Wow, elle a peut-être dit. C'est pire que ça, c'est-à-dire qu'elle insulte les enseignants, elle donne un numéro bidon. Ouais. Et les directeurs, c'est ça. Non, on est bien là, Ouais, là, on est au top. Allez, deuxième message. Et ça fait plusieurs fois que je vous appelle pour m'avancer de l'argent parce que je voudrais changer le verrou du volet. J'ai 25 euros là, 25,20 €. Alors, merci beaucoup. J'ai rien compris. Elle appelle qui en fait? La banque? Son proprio. Ouais, son proprio qui veut qu'il lui foute la paix. Ah ouais, si son proprio il a donné le numéro de la client Tirelou, c'est très bon ça. Bon, bah, vous savez comment faire, hein, 0473 86 0013. Dans un instant, on va appeler encore pour Tov se sent seul, il va donc appeler les commissariats. Ben oui, j'ai besoin d'amis. On a appelé à Bruxelles, ils étaient super cool tout à l'heure. Et là, on va appeler où du coup? Prochain, c'est quoi? Tournée. Ah bon, on va appeler à Tournée dans un instant. Tournée. Juste après Example maintenant, c'est Stay Awake sur Fun, 7h51. 7h54 sur Fun Radio et Beyoncé dans un instant avec Love and Tap. Il y a toujours également la devinette qui colle, je vous la répète. C'est le synonyme de gros, par qui on jauge les bateaux. Mais si vous êtes dans la voiture, dans l'auto, moins vous en faites et mieux ça vaut. Car effectivement, si vous en faites en général en voiture, vous avez quand même peu de chances de survivre. Ou alors, en tout cas, la voiture est morte. Quoi qu'il arrive, ça c'est clair et net. Tu peux tester ça dans les festivals et ce genre de choses. Parfois, tu as une voiture comme ça où tu testes où ils te la font tourner. Exactement. Pour pas dire le mot. Et moi, je l'ai fait et je faisais un peu la maline. Quoi. J'étais très ouais, ça va être rigolo. Ça fait rien. Je suis Julie. J'étais avec une pote. Je vais y arriver. Non, mais je peux expliquer mon histoire. J'étais avec une pote et on rigolait. On s'est dit, on va faire comme une attraction. Quoi. Et bah, c'est horrible. Tu m'étonnes. Super impressionnant, quoi. Donc, et encore, si tu fais un accident et que tu te retrouves. T'as pas les coups là. Et oui, ben non, enfin oui, t'as pas les coups et bon, t'es bien attaché et tout, mais c'est super impressionnant. Je te jure que ça te remet bien les idées en place. Quoi. Ouais. Bon, et sinon, c'est également dans les caves à Porto, par exemple, au Portugal, bah forcément, comme il y a du Porto, il y en a c'est plein. Autre chose, évidemment. Ouais. Bah oui, c'est différent. Mais voilà, ça se met. Mais il n'y a pas qu'à Porto d'ailleurs. Non, mais il n'y a pas qu'à Porto, ça, bien sûr. Mais je dis ça parce que c'est les caves, oui, voilà, des cas du Pinard, quoi, en gros. Ouais. Bon, allez, 63-22, si vous avez la bonne réponse, bonne chance. Il y a des écrans plats à gagner, des iSwatch ou encore des iPod Shuffle. On va donc appeler à tourner maintenant. C'est un auditeur qui nous a donné le numéro de téléphone. Ouais, il paraît qu'il y a des poivrons là-bas, donc on va aller vérifier. Voilà, puisque Tof se sent seul, il appelle donc les commissariats. On a appelé à Bruxelles, on a été super bien accueillis. Et là, on va appeler à Tournée. Allez, c'est parti, direction Tournée maintenant. Et puis Beyoncé juste après. La Van Tap sur Fun. Allez, hop là. Oui, allô ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je m'ennuyais un petit peu ce matin. Et j'avais envie de parler avec quelqu'un. Je me suis dit que, bon, forcément, vous alliez décrocher, donc je vous appelle. Ah bah c'est gentil. Ah bah ça me fait plaisir. Comment vous vous appelez? C'est quoi votre nom? Georges. Ah Georges. Non, comme ça pour savoir, pour faire connaissance, pour qu'on puisse discuter un peu tous les deux. Mm-hmm. Et mm-hmm. Sinon, en dehors de la police, vous faites quoi? Je vois pas pourquoi ça vous regarde. Bah non, ça me regarde pas, mais voilà. Ah, voilà. C'est pour discuter, c'est pour faire connaissance. Oui. Je suis... Vous êtes un manque d'amis, vous, non? Ouais, c'est exactement, vous avez tout compris. Ah bah ouais, voilà. Pour ça j'ai fait des grandes études. Ah bah oui. Et donc voilà, j'étais seul chez moi, et donc c'est pour ça que je vous appelais, quoi. Si vous voulez parler à des gens, c'est pas en faisant le 108, vous pouvez parler à des gens, en plus c'est gratuit, je crois. Je suis pas certain, mais... Ah bon, si je fais le 108, je peux parler à des gens, et... Ouais. Et là je serai... Écoutez, et tout le bazar, ouais. Ah oui, ah bah écoutez, c'est... Bah je vais faire pas, ça. Je suis pas sûr du numéro, je vais toujours essayer, d'accord? Ah oui. Ah, vous n'êtes pas sûr alors? Bah... Non, parce que si vous n'êtes pas sûr, je préfère rester avec vous, au moins vous êtes là. À part que moi, je peux pas rester avec vous. Vous m'aimez pas? Bah, j'ai pas dit ça, vous transformez mes dires. Ah bon? Non, mais j'ai eu peur, parce que vous me dites que vous pouvez pas rester avec moi. Juste comme ici, c'est une ligne d'urgence, je peux pas rester 3 heures au téléphone. Parce que ah si oui. Y a par exemple quelqu'un qui a besoin d'un service de police assez rapidement, bah, la ligne, elle est bloquée. Ah, oui, je comprends. Parce que moi, j'ai fait... C'est simple hein, comme explication, mais c'est comme ça, quoi. Bah oui, parce que moi, j'ai fait le numéro du standard général. Moi, je voulais ouais, pas... Ouais, voilà, au fait. Mais oui, mais c'est parce que pour l'instant, il n'y a encore personne au général. Donc, vous retrouvez directement à la centrale où on dispatche les équipes, en fait. D'accord. Bon, bah écoutez, je vais rappeler le numéro général tout à l'heure, alors. Ouais, si vous voulez, après 8 heures, ça va? D'accord, bah, c'est gentil, monsieur. Bonne journée, hein. Oui, au revoir. Au revoir. Oh, plutôt bon esprit, hein. Ils sont assez cool, la police. Plutôt bon esprit, c'est cool. Bon, bah, on appellera dans une autre ville tout à l'heure. Si vous avez des numéros, n'hésitez pas. 3044. L'info dans un instant et Beyoncé tout de suite. C'est Love on Tap sur Fun Radio. Bring the beat in. Beyoncé à l'instant sur Fun Radio avec le son qui effectivement fait très 80s. Love on Tap sur Fun Radio. Dans un instant, on passera le son de Will.i.am avec The Artist Ever. Et puis l'info de Julie arrive dans moins d'une minute sur Fun Radio. Restez bien sur Fun. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 8h sur Fun Radio, 2 pour être précis. C'est l'heure de l'info maintenant, c'est avec Julie. Bonjour à tous, bonne année. Important incendie à Bruxelles, près du centre commercial City 2. Les pompiers ont déployé d'importants moyens pour combattre le feu dans la rue du Damier. L'incendie frapperait l'auberge de jeunesse Sleep and Well depuis 6h30. 4 autopompes et 3 échelles ont été dépêchées sur place. Il n'y a heureusement pas de blessés, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, et le feu semble maîtrisé. Une accompagnatrice de train a été agressée hier soir. L'agression a eu lieu peu avant 20h sur la ligne reliant la gare de Bruxelles-Luxembourg à celle de Malines. 3 individus non identifiés sont montés à bord du train. Ils ont menacé l'accompagnatrice avec une arme à feu et lui ont porté des coups avant de prendre la fuite à l'arrêt suivant. Le décret inscription est réformé. Le système controversé créé en 2009 pour régir les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire a encore changé. Les enfants qui sont scolarisés près du lieu du travail de leurs parents seront mieux pris en compte, alors qu'avant, les critères favorisaient la proximité entre école et domicile. C'est une décision de la Cour constitutionnelle saisie par la commune de Villers-la-Ville qui est à l'origine de ce changement. La moitié des amendes ne sont pas payées pour l'année 2010. Ce manque à gagner est évalué à au moins 70 millions d'euros. Il s'agit surtout d'infractions graves au code de la route qui finissent devant le tribunal de police. Au total, les juges de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles ont fixé des amendes pour plus de 133 millions d'euros en 2010. Mais l'argent tarde apparemment à rentrer dans les caisses. L'ancien organisateur du Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps est renvoyé en correctionnel. Il est accusé de détournement de plus de 1,6 million d'euros et de faux dans le but de s'enrichir. Didier de Fourny avait été inculpé en juin 2010 d'abus de biens sociaux après une perquisition et une audition réalisée en 2005. Yves Baupin, l'Arsène Lupin belge, a été arrêté et il risque jusqu'à 2 ans de prison. La police bruxelloise était activement à sa recherche suite aux menaces de mort qu'il avait envoyées à 2 magistrats bruxellois. Pour le moment, Yves Baupin use de son droit de garder le silence. Les visites seront gratuites chez les vétérinaires en février. Les propriétaires de chiens et de chats pourront se rendre pendant tout le mois de février chez le vétérinaire pour effectuer un examen de prévention gratuit. Cette initiative est organisée pour la première fois à l'échelle nationale. Et puis à l'étranger, en Syrie, des journalistes, dont une équipe de la chaîne flamande VRT, ont été la cible de tir hier dans la ville d'Homs. Un journaliste français de la chaîne France de Gilles Jacquier a perdu la vie. Les membres de l'équipe belge sont eux sains et saufs. Et puis au Brésil, le bilan des pluies torrentielles qui frappent le sud-est du pays depuis décembre s'élève à au moins 33 morts. Et puis enfin en sport, Matias Soares a remporté le soulier d'or 2011 à 23 ans. L'attaquant d'Anderlecht, succède à Embark Boussoufa. 8h05 sur Fun, c'est la météo. Avant de vous payer vos factures dans un instant, restez bien là. Le ciel sera une fois de plus plombé aujourd'hui avec les éclaircies qui seront rares. Le temps restera sec, en tout cas jusqu'à ce soir, parce que la pluie fera son retour. Température de 6 à 10 degrés. Demain, temps plus frais, un petit peu de neige sur les reliefs ardennais et quelques éclaircies partout ailleurs. Et voilà, je vous rembourse vos factures dans un instant. Je vous explique comment ça se passe après ça. Fun Radio. Fun Radio. Remboursement des factures, c'est dans 4 minutes que ça va se passer à peu près. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, 50 euros pour aller faire les soldes par exemple, eh bien vous vous inscrivez dès maintenant au 6322, débutez votre message par facture, puis vous mettez solde tout simplement. On vous appelle dans quelques instants pour vous rembourser 50 euros pour les soldes, que vous ayez déjà fait les achats ou pas encore, peu importe. 6322, c'est 1 euro le message, débutez votre message par facture et puis solde. Will.i.am arrive dans un instant avec Mick Jagger et Jennifer Lopez. Avant cela, l'info en plus. Eh bien, l'info en plus, c'est pour tous les étudiants qui sont actuellement en examen. C'est un peu la sale période pour l'instant, pour ceux qui font des études supérieures. Bah, c'est comme Ophélie, qui a fait Miss Belgique. Je sais pas. Bah, oui. Si tu étais dans un examen. Ophélie, qui est en communication et qui avait un examen de patrimoine hier, effectivement. T'es sûr? Je sais pas. Ah, bon. Eh bien, Ophélie, cette info est pour toi également. Pour réussir les examens, il faut mâcher du chewing-gum? Je sais pas. C'est pas une blague, c'est une étude américaine qui le démontre. En fait, un professeur de psycho a fait passer un test à 224 étudiants qu'il a divisé en trois groupes. Le premier a dû mâcher du chewing-gum 5 minutes avant l'examen, le deuxième pendant l'examen et le troisième pas du tout. Et les résultats sont frappants. Je sais pas. Eh bien, ce sont les étudiants qui ont mâché du chewing-gum qui ont des meilleurs résultats, surtout aux exercices de mémorisation. Je sais pas. Il y a une explication très simple, mais si Ophélie, il y a une explication très simple. La mastication produit un afflux de sang vers le cerveau et donc du coup ça améliore les capacités de mémorisation. Voilà, le bénéfice perdure 15 à 20 minutes. Je sais pas. C'est bon pour vous tous les étudiants, c'est vraiment pas une blague. Mâcher. Je sais pas. Voilà, elle sait pas. Écoute, elle sait pas. Hein, non, on va pas non plus insister pendant 107 ans. C'est vrai. Mais enfin, elles se sentent toujours intégrées, tu vois, ça qui est bien. 8h07 sur Fun, je vous rembourse aux factures dans un instant après le son de Will.i.am sur Fun Radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. On vous rembourse vos factures sur Fun Radio tous les matins, 7h10, 8h10 et 9h10. Il suffit de s'inscrire au 63-22. Débutez votre message par facture, puis vous mettez solde et on vous rappelle en direct pour vous offrir vos 50 euros pour aller faire vos soldes ou pour vous les rembourser si vous avez déjà fait vos soldes. On y va, on appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit. Si il ou elle décroche et répond Fun Radio ou Mickaël à la question qui paye les factures le matin, c'est gagné. Allez, c'est parti, il y aura Cobra Starship après avec Sabi, You Make Me Feel. Allô, allô. Oui. Oui, bonjour, qui paye les factures le matin? C'est Fun Radio. Bah c'est Fun Radio, comment tu t'appelles? Marie-Paul. Marie-Paul, très bien Marie. Alors tu es dans quelle ville Marie-Paul? Ici pour le moment je suis sur la route de Erasme, mais j'habite à Ligny. D'accord, très bien. Eh ben, il n'y a pas de problème, hein, tu habites où tu veux. On va te rembourser tes 50 euros sans problème. Tu vas aller faire les soldes ou tu les as déjà faites? J'en ai déjà fait, mais je veux encore en faire. Ah, bah oui, bah, si j'ai 50 euros de plus, hein, moi j'y retourne évidemment, mais t'as bien raison. T'as bien raison. Eh ben, écoute, Marie-Paul, tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées et on va tout expliquer comment ça fonctionne pour récupérer tes 50 euros. Eh bien, c'est bien, merci beaucoup. Ben, je t'en prie, passe une bonne journée, Marie-Paul, à l'écoute de merci. Fun. Salut, salut. Et bien, si vous voulez, les autres, allez-y. 63-22 pour les inscriptions. Vous débutez votre message par facture, puis vous mettez solde. Et on vous appelle dans moins d'une heure pour vous rembourser. Cash vos factures de solde, 50 euros. Ça fait toujours plaisir. Dans un instant, sur Fun Radio, on écoutera Cobra Starship avec Sabi, comme promis, You Make Me Feel. Il y aura aussi pas loin de nous Sean Paul ou encore Laurent Wery avec Hey Hey Hey sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Hey, what's up? This is Gabe from Cobra Starship. Le matin, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Je comprends rien. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Cobra Starship sur Fun Radio à 8h15. Laurent Wery et Sean Paul arrivent dans un instant. On jouera au Free Code Game aussi. Si vous voulez repartir avec vos cadeaux, ça va jusqu'à l'écran plat à gagner. Si vous avez les bonnes réponses, bien évidemment, au Free Code Game. Pour jouer avec nous, vous nous envoyez frites tout simplement au 6322 par SMS. C'est 1€ le message. Vous jouerez avec nous dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Et puis là, on va parler de cadeaux. Oui, de cadeaux. De beaux cadeaux. Tu vas nous faire un cadeau? Mais non, en fait, je voulais vous parler des cadeaux de Kate et William. Donc William, le prince d'Angleterre. Ouais. Je vous rappelle quand même. Alors évidemment, Je pensais que c'était ton cousin, mais non. Non, je me suis dit que j'allais parler quand même de quelqu'un qu'on connaissait. Ah oui, mais c'est une bonne idée, c'est vrai. Et donc, Kate et William qui ont effectivement de nombreux voyages, des séries de visites officielles dans le monde entier. C'est le côté un peu chiant du... Ah oui, ça c'est clair. Du rôle qu'ils ont à tenir. Eh bien, forcément, à chaque visite, ils reçoivent des cadeaux. Donc, alors, c'est le côté, ah oui, ça, c'est vachement le côté sympa. Chiant, c'est, dis le côté, donc. C'est le côté un peu sympa, mais non, ils mais reçoivent des sympa. Cadeaux un petit peu particuliers. Alors, moi, j'ai deux, trois cadeaux ici que j'ai réussi à récupérer parce que le parce palais royal elle, britannique. Elle a le bras long, Julie. Et non, le palais royal britannique a dévoilé sur son site officiel la liste des cadeaux. Donc, voilà, c'était pas super compliqué de les trouver. Mais bon, voilà. Donc, par exemple, si quand ils ont été en Espagne, ils ont reçu 2 bouteilles d'huile d'olive. D'accord. Pour l'instant, tout va bien. C'est sympa, mais enfin bon. Alors, de la part de l'Australie. C'est pas comme si c'est eux qui faisaient la cuisine, quoi, tu vois. Ouais. Bah, si, on voit Kate Middleton qui va faire ses courses et tout. Si, a priori, ils ont pas de personnel. Ouais, non. Tu vois les photos, elle est au supermarché, elle fait ses courses. Non, c'est bien, alors j'ai rien dit. Donc, 2 bouteilles d'huile d'olive, ça pourra lui servir. Alors, un sac de couchage de la part de l'Australie, accompagné aussi de Vegemite. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de pâte à tartiner extrêmement salée. Mmh. Et un kangourou aussi. Après, démerde-toi pour le transporter, pour le garder. Et maman, on aurait dit MST quand même. Effectivement. Ils ont reçu des pièges à moustiques du Canada, donc on sait pas trop ce qu'ils vont en faire. ou alors un livre de recettes du Portugal. Donc voilà. Bon, alors ça dépend un peu. Alors, par contre, les États-Unis leur ont fait un cadeau qui semble quand même beaucoup plus intéressant que le reste. Un flingue, un magnum. Non, et ben, ils ont reçu un iPad. Ah oui, sympa. Ah, c'est quand même sympa. Ah ouais. Donc là, on est sûr qu'ils vont l'utiliser. Ils savent recevoir, les Ricains. C'est pas le cadeau qu'ils vont laisser dans un coin, tu vois, dans une armoire. Non, je pense que l'iPad, à mon avis, ça doit être le cadeau préféré jusqu'ici, quoi. Je pense. Ouais, ce qui est bien, enfin, en tout cas, aux États-Unis, dès que t'as passé le douanier, ouais, ils savent recevoir. C'est au moment de la douane, tu te dis. Là, c'est vraiment des cons, hein. Mais au final, ça va. Il faut le mériter, en fait, de rentrer. Ouais, bah c'est clair. Attends, ne va pas aux États-Unis. Qui veut, voyons. Mais par contre, à la douane, ils savent remballer. Ah, ils savent remballer. Ah, bah ça, c'est clair. 8h17 sur Fun Radio. On va jouer au Free Code Game dans un instant. Avant cela, le son de Laurent Weary maintenant avec Swift KD. C'est Hey Hey Hey sur Fun Radio. Il est 8h20 sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. Dans un instant, le son de Sean Paul avec She Doesn't Mind. Et nous allons prendre dans quelques instants également un gagnant qui repartira peut-être avec eh bien, un écran plat, une Ice Watch ou encore avec un iPod Shuffle si il ou elle a la réponse à la devinette qui colle, évidemment. On peut pas faire comme Kate Middleton, de l'huile, un sac de couchage. Bah, oui, c'est vrai qu'on pourrait, mais bon. Un truc anti-moustique aussi. Bon, c'est le synonyme de gros par qui on jauge les bateaux, mais si vous êtes dans l'auto, moins vous en faites et mieux ça vaut. C'est en cas d'accident surtout, parce qu'on n'en fait pas si on n'a pas fait un accident. Ou alors on est complètement idiot. Donc voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, oui aussi c'est vrai, 63-22 c'est 1€ le message. Et puis vous le savez, vous l'attendez depuis hier, la chanson spéciale évidemment pour notre amie Julie, on l'avait promis. Ah, on l'avait promis, la chanson spéciale. La reine du tweet. Évidemment, la reine du tweet, écoutez bien, c'est pour Julie. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas nous. Et si tu ne me follow pas, dis-moi pourquoi je suis heureux. Dans une timeline sans toi, sans l'espoir, les moindres petits heurts. Si tu ne me follow pas, dis-moi pourquoi je suis heureux. Et voilà cette magnifique chanson qui sera donc dorénavant la sonnerie de Julie. Hein. Et si tu ne me follow pas, mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Sur internet. Voilà, oui, c'est ça. Vu le son, de toute façon, ça peut pas venir d'ailleurs. Ouais. Voilà la nouvelle chanson de spéciale dédicace à Julie qui devient la tweeteuse numéro 1 de Belgique. Hein. Ah bah c'est elle qui a le plus de tweets. Hein. Ah bah bien sûr, elle a vachement retweeté ce que j'avais tweeté. Ah bah bien sûr, elle tweet, ça retweet tout le monde. Ça retweet, ça méga tweet. C'est énorme. Dans un instant, la déclaration express sur Fun Radio, la réponse à la devinette qui colle et Sean Paul qu'on écoute tout de suite. She doesn't mind, bon réveil sur Fun Radio. 8h24 sur Fun Radio, dans un instant il y aura une nouveauté, c'est Cruelly Good Summer Feeling avec DJ Schmolly. Personnellement je n'aurais pas choisi ce nom si j'avais été lui, mais chacun fait comme il veut, il n'y a pas de problème. Alors attention, on y va, on appelle maintenant, on a Xavier avec nous pour la déclaration express. Salut Xavier. Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Ça va, bien. Bon, bah tant mieux. Xavier, t'as 23 ans, t'appelles de Liège et tu es là pour la déclaration express. Et on va appeler Océane, qui est ta copine, c'est ça? C'est mon ami, ouais. C'est ton ami, mais t'aimerais bien que ce soit ta copine. Pardon? T'aimerais bien que ce soit ta copine ou pas? C'est un moyen, ouais. Ah bah j'imagine. Bon, alors Xavier, on y va, on l'appelle. C'est Lob qui va se charger de la musique, évidemment. Et bah dès que tu l'as au téléphone, tu dis voilà, j'ai un truc à te dire, écoute. Et nous, on dégaine derrière, ok? Ça va, nickel. Allez, c'est parti, on appelle Océane maintenant, direction Liège également. C'est parti. Et DJ Schmolly après. C'est bon ça. Bah oui. Truly good summer feeling. Oh yeah. Voilà, ça sonne, magnifique. Yeah. Salut, Océane. Oui. Allô, Océane. Oui. Salut, c'est Xavier. Ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Je sais pas si tu te rappelles, en tout cas ton top, tu vas sûrement te rappeler. C'est un jour passé quand tu m'as ramené d'une soirée où voilà, j'avais fait quelques mélanges déconseillés. Allez, facifite. Et je t'avais voulu ici dans la voiture. Oui. Et voilà, en fait, je me suis excusé de tout ça, mais j'ai trouvé une très bonne façon de m'excuser. Voilà, c'est parti, je t'ai écrit une chanson. Je sais pas si tu vas aimer. Je t'ai écrit une chanson. Tu me la racontes. On y va. Sauvé au mois de juin. Il devait être 4 heures. De chez moi, t'habitais pas loin. Du coup j'ai plus eu peur. J'étais trop défoncé au rhum et au whisky, à la bière et au porto. J'ai eu la gueule de bois le lendemain. Il paraît que j'ai vomi sur toi, que j'ai vomi sur toi. Désolé, je m'en rappelle même pas. Il y avait longtemps. C'est pareil à chaque fois. Oui. Ta robe, je te la paierai, t'inquiète pas. Combien je te dois? Je te rendrai, t'inquiète pas. Je te rendrai ça demain, c'est. Même si je dois vendre un rein. Et voilà, déclaration express, Océane, t'es sur Fun Radio pour l'info, c'est la déclaration express avec Xavier. Voilà, Océane, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était très bien. Oui, c'était très beau. C'était mignon, c'était très beau, c'était magnifique. Bon, ben voilà. Donc, Océane, pour ton info, il nous a dit en antenne qu'il serait pas contre éventuellement de te connaître pas. Un peu plus en intimité. Voilà. Plus approfondir. Oui, voilà, Xavier, je ne sais pas le dire, mais j'essaie d'être un minimum classe, mais voilà. Mais approfondissons. Xavier, voilà. Océane, tu serais intéressée ou pas? Pourquoi pas? Ça fait plaisir. Bon, bah, Xavier et Océane, je vous laisse au standard tous les deux. Vous allez nous le faire des petits. Et puis, on va s'écouter en attendant de faire les infos. DJ Schmoly maintenant, c'est Cruelly Good Summer Feeling sur Fun Radio. Et voilà, il y a plein de chansons dancefloor à l'intérieur. Seb qui dit mais c'est bon cette chanson Summer Feeling. Oui, c'est Good Summer Feeling. Et c'était DJ Schmoly. Voilà, bon, j'aurais pas choisi ce nom là à sa place, mais chacun fait comme il veut. Alors vite fait, avant les infos, on est en retard. Il y a Mickaël qui est là dans Underlake. Salut Mickaël. Bonjour. Ça va bien Mickaël? Ça va. Moi je pense que Mickaël, il se prend pour le chef du quartier. Oui, c'est mal Mickaël. Attention. Peut-être c'est vrai avec un bon nom comme on l'a. Mais bien sûr, on est les meilleurs. Nous sommes les meilleurs, Mickaël. Bravo, tu es beau, tu es grand, tu es fort comme moi. On a cette chance, Eh oui, c'est vrai. Bon Mickaël, t'as la réponse à la devinette qui colle, c'est le synonyme de gros par qui on jauge les bateaux. Mais si vous êtes dans l'auto, moins vous en faites, mieux ça vaut. Qui est-il? Allez, pour ma part, je pense à un tonneau. Exactement, c'est le tonneau. Bonne réponse, Mickaël. Bravo à toi, c'est normal, tu es le meilleur. Merci. Je t'en prie, salut. Ça fait très plaisir. Hein. Je t'en prie. Mickaël, reste au standard, on va prendre tes coordonnées. Et là, je te laisse parce que nous sommes très en retard, puisqu'on va faire les infos à 8h33, c'est parfait. Et ouais, on va écouter Jim Glass Heroes dans un instant. Non, mais c'est parce que Julie passe sa vie aux toilettes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Alors, du coup, on est en retard. Allez, c'est parti, les infos. Et voilà, c'est de la météo maintenant. Bonjour à tous. Important incendie à Bruxelles, près du centre commercial City 2. Les pompiers ont déployé d'importants moyens pour combattre le feu dans la rue du Damier. L'incendie frapperait l'auberge de jeunesse Sleep and Well depuis 6h30 ce matin. 4 autopompes et 3 échelles ont été dépêchées sur place. Il n'y a pas de blessés, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Une accompagnatrice de train a été agressée hier. L'agression a eu lieu peu avant 20h. Sur la ligne reliant la gare de Bruxelles-Luxembourg à celle de Malines, 3 individus non identifiés sont montés à bord du train. Ils ont menacé l'accompagnatrice avec une arme à feu et lui ont porté des coups avant de prendre la fuite à l'arrêt suivant. Yves Baupin, l'Arsène Lupin belge, a été arrêté hier après-midi. Il risque jusqu'à 2 ans de prison. La police bruxelloise était activement à la recherche de ce cambrioleur suite aux menaces de mort qu'il a envoyées à 2 magistrats bruxellois. Pour le moment, Yves Baupin use de son droit de garder le silence. L'ancien organisateur du Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps a été renvoyé en correctionnel et Didier Defourny est accusé de détournement de plus de 1,6 million d'euros et de faux dans le but de s'enrichir. Le décret inscription est une fois de plus réformé. Le système controversé créé en 2009 pour régir les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire a encore changé. Les enfants et qui sont scolarisés près du lieu de travail de leurs parents seront mieux pris pris en compte, alors qu'avant les critères favorisaient la proximité entre école et domicile. C'est une décision de la Cour constitutionnelle saisie par la commune de Villers-la-Ville et qui est à l'origine de ce changement. De nombreux médecins souffrent d'alcoolisme. Un médecin spécialiste sur 5, âgé de plus de 55 ans, est confronté à des problèmes d'alcool. D'après une enquête menée par l'Université d'Anvers auprès de 1500 médecins, parmi les médecins de plus de 65 ans cette fois, près de 1 sur 3 seraient concernés par cette problématique. Les visites seront gratuites chez les vétérinaires en février. Les propriétaires de chiens et de chats pourront se rendre chez le vétérinaire le mois prochain pour effectuer un examen de prévention gratuit. Cette initiative est organisée pour la première fois à l'échelle nationale. Et puis à l'étranger, en Syrie, des journalistes dont une équipe de la chaîne flamande VRT ont été la cible de tirs hier dans la ville de Homs. Un journaliste français de la chaîne France 2, Gilles Jacquier, a perdu la vie. Les membres de l'équipe belge sont eux sains et saufs. Et puis au Brésil, le bilan de pluie torrentielle qui frappe le sud-est du pays depuis décembre s'élève cette fois à 33 morts. Et puis enfin en sport, Matias Suarez a remporté le soulier d'or 2011. À 23 ans, l'attaquant argentin d'Anderlecht succède à M-Marc Boussoufa. 8h35 sur Fun Radio, c'est l'heure de passer à la météo. Le ciel sera plombé encore une fois dès ce matin. Quelques éclaircies seront possibles, mais elles seront rares. Le temps restera sec jusqu'à ce soir où la pluie fera son retour. Température de 6 à 10 degrés demain. Temps plus frais, un petit peu de neige sur les reliefs ardennais et quelques éclaircies partout ailleurs. Le Fred Cog Game, c'est dans un instant sur Fun Radio, il y a 8h36. Passons maintenant, avant d'écouter Team Glass Heroes, à l'info en plus. Eh bien, des chercheurs italiens ont détecté de la cocaïne dans l'atmosphère. Alors, en été, on fait des relevés... Enfin, c'est fort, c'est surréaliste. C'est surréaliste, surtout. Alors, en été, on fait des relevés de la qualité de l'air. On voit un peu sa teneur en ozone, en gaz carbonique, etc. Et bien, en Italie, depuis 2007, ils se sont aussi focalisés sur d'autres substances, comme la drogue. Oui. Ils se sont rendus compte que, dans la ville de Rome et la ville de Tarente, eh bien, il y a la cocaïne dans l'air. Donc c'est assez surréaliste. Alors, cette cocaïne se retrouve dans les quartiers où la consommation de stupéfiants est répandue. Ce qui semble assez logique. Normal, ouais. Et donc, du coup, les policiers se sont dit, ok, super, on a trouvé un moyen de se rendre compte où est-ce que la drogue était le plus répandue. Avant, ils faisaient des études de quartier. Ils allaient voir un peu les gens, la population, pour savoir si la population avait vu des vendeurs de drogue ou des choses un peu illégales. Maintenant, il suffit qu'ils mesurent la qualité de l'air pour voir s'il y a la cocaïne dans l'air. Donc, c'est leur nouvelle façon de repérer les quartiers les plus drogués, entre guillemets. Mais pourquoi pas, c'est original. Et alors, ils se sont rendus compte aussi d'une dernière chose, c'est que les données ont indiqué que le taux de cocaïne dans l'air et certaines infractions semblent être liées. D'accord. Donc là où il y a de la cocaïne, eh bien, il y a plus de vols, par exemple. Bah, oui, ça tombe sous le sens en même temps. Oui, forcément. Il y avait quand même plus de risques. Pour payer la drogue, il faut bien... Il faut bien que ça vole. 8h37 sur Fun Radio. Dans un instant, le Free de Code Game. Et on écoute Jim Clash Heroes maintenant. Et Adam Levine, Stereo Earth. 8h39 sur Fun Radio et 4 de Luna qui arrive avec Fat Man Scoop dans quelques instants. Mais avant cela, nous allons jouer au Free de Code Game maintenant. Pour jouer au Free de Code Game, il y a Christophe, 24 ans de Willin. Salut Christophe. Salut. Comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Ben, on va plutôt bien aussi. Christophe, tranquillement, comme un avant-dernier jour de semaine. Tu fais quoi dans la vie, toi, Christophe ? Je travaille dans une pharmacie. Dans une pharmacie, t'es au boulot là déjà ? Non, je suis dans les embouteillages. Ah bah écoute, t'es où là dans les embouteillages là que les autres... À Wavre. À Wavre, vers où ? Comme ça les auditeurs vont pas aller par là. Vers Bruxelles, ah oui, 411. Ouais. Toujours, voilà, ouais. Ouais. Ouais, bah ouais, mais bon, c'est comme ça, c'est normal. Hein. C'est toujours l'endroit où il y a plein de problèmes. Comme dans Bruxelles même, cela dit au passage. Bon, alors attention, pendant qu'il y a les embouteillages, Christophe, tu vas pouvoir jouer, peut-être repartir avec un écran plat. Tu vas jouer au. Le Free Code Game. Le Free Code Game, évidemment, jeu mondialement célèbre depuis quelques semaines maintenant. Alors attention. Je préférais de mon père, je tiens à le dire. De quoi ? Je tiens à le dire. De ton père, d'accord. Et écoute, très bien, si on peut le faire rire, j'ai envie de dire, tant mieux. Christophe, il y a 4 séries de questions. Petit paquet, grand paquet, durum ou mitraillette. Chaque série de questions contient 5 questions. Petit paquet, questions faciles, jusqu'à mitraillette, questions très difficiles en général. Et donc, bah forcément, le petit paquet peut te rapporter facilement des petits cadeaux. Et le grand paquet peut. La mitraillette peut te rapporter de gros cadeaux, mais plus difficilement. Tu choisis quoi ? Allez, je suis joueur, je prends la mitraillette. T'es sûr ? Oui. Tu prends la mitraillette ? Eh bien, écoute. T'as rêvé ou toi ? T'as peur de rien ? C'est tout à ton honneur. Eh bien, écoute, on y va, Christophe. Peut-être un écran plat pour toi si tu réponds bien à 3 questions sur 5 minimum. On y va, mitraillette, il faut répondre du tac au tac. T'es prêt ? Oui. Allez, c'est parti. Si on réunit les 7 nains, les 4 fantastiques et les All Blacks, on aura combien d'invités à la fête? Oh mon dieu. Allez, vite. 22. Ah, 26, et oui, les All Blacks sont 15. En Angleterre, de quel côté est le volant? Vite. À droite. Bon, allez, c'est un. Normalement, t'avais dit gauche, mais enfin bon, allez, passons. C'est bon, je valide le droite quand même. Il faut répondre plus vite, cela dit, Christophe, ouais. Attention. À Walibi, Mimi Mati peut-elle monter dans le vampire? Oui. Oui ou non? Oui, oui. Oui, effectivement, c'est 1m30 la taille, la limite de taille, elle fait 1m32. Alors attention, enfin le minimum de taille plutôt. Attention, on y va. Quel est le numéro de la ligne anti-relou? 0-476-0473-86-0013. Ouais, pas mal. Et enfin, attention, c'est là que tout se joue. On lui a refilé en fait le numéro. Oui, c'est vrai. Sur un clavier, quelle est la touche la plus en haut à gauche? Le 1. Ah non, non, c'était échappe ESC. Oh. Eh oui. Ah oui, bon bah Christophe, alors attention, Julie t'avais a vérifié répondu sur son ordinateur. Ah oui, oui. T'avais répondu droit, t'avais répondu oui, t'avais répondu le bon numéro de téléphone. Et bah c'est gagné, bravo. Oui, oui, je t'ai vu. Et ben bah, voilà. Ça a gagné, l'écran plein pour toi, Christophe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Eh ben écoute, Christophe, bravo à toi dans les embouteillages. T'auras gagné ça, c'est toujours ça de prix. Oui, et tu reviens quand tu veux, Christophe. Merci beaucoup à vous, bonne journée. À bientôt, salut à toi. Oui. Et salut. On revient dans un petit instant avec l'infotrafic sur Fun Radio, il est 8h43. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cataluna. Le matin, quand je me réveille, je ne couche jamais. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Kate de Luna sur Fun Radio à l'instant avec Fatman Scoop. Et attention, il y a toujours des écrans plats à gagner, des iPod Shuffle ou alors des Ice Watch si vous avez la réponse à notre invité mystère. When you're of age. Si vous êtes majeur, il faut boire. C'est un bon conseil à donner à presque tout le monde. Et oui. Je vous le remets, à votre avis, qui est l'invité mystère? C'est en anglais, évidemment. When you're of age. Si vous êtes majeur, il faut boire. C'est un bon conseil à donner à presque tout le monde. Et voilà, j'ai envie de dire, what else? Ah. Oh, c'est facile là du coup. Hein. Alors là, ah ouais, là coup, t'as donné la réponse. Mais pas du tout. En, là, tout, cas, bon. En tout cas, vu qu'il est déjà 8h45, il y a urgence pour répondre. Oh. Allez, bonne chance tout le monde si vous avez la bonne réponse. 63-22, Julie qui me regarde comme ça parce qu'elle a pas compris. Allez, c'est parti, c'est l'infotrafic maintenant. Perte de chargement sur le 42 Liège en direction de Namur-Mons à hauteur de Courcelles. Deux bandes qui sont obstruées, ça se passe au kilomètre 84. Soyez bien prudents. Et puis camion en panne sur le 411 Luxembourg en direction de Bruxelles à hauteur de Recogne. Non, c'est en direction de Namur, pardon. Pas trop fort quand même. Bande d'arrêt d'urgence et bande de droite qui sont obstruées au kilomètre 133. Très bien, voilà. Bon, bah, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, 30-44, vous nous le dites ou alors Mickaël at funradio.com. .be proposé Michel Dardenne. Non, c'est pas Michel Dardenne, je vous le remets vite fait. When you're of age. Si vous êtes majeur, il faut boire. C'est un bon conseil à donner à presque tout le monde. Voilà. Donc, comme je le disais, j'ai envie de dire what else. Et donc, il y a urgence, bien évidemment, à répondre maintenant au 63-22 pour tenter de repartir avec votre écran plat, votre Ice Watch ou votre iPod Shuffle. 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance. Et côté musique sur Fun Radio, ce qui arrive dans un instant, le dernier Lady Gaga, ce sera Marry the Night, juste après ça sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean Rock, tous les matins j'écoute Mickaël, j'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Donnez-leur le numéro de la ligne anti-relou. 0-473-86-0013. Tous les matins sur Fun Radio à 7h-10, 8h-10 et 9h-10, les meilleurs messages qui ont été laissés sur la ligne anti-relou, eh bien ils sont ici. 0-473-86-0013, c'est le numéro de la ligne anti-relou. Écoutez bien les messages, peut-être que vous avez eu contact avec un relou à un moment donné, vous avez donné ce numéro de téléphone et peut-être que vous avez réussi à éviter ce genre de relou. Le téléphone de la part d'Arnaud, c'est un ses copains qui m'a dit éventuellement qu'il y aurait peut-être une possibilité d'avoir un plan sexe. Ben, si tu veux me contacter, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça serait bien ce matin, parce que s'il est demain matin, vous êtes marié après. Ah ouais, bah, c'est pas s'il est marié. Il est marié, Julie, il est marié. Il peut pas être partout. Attends, mais il est marié, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Bah, évidemment. Bah, c'est ça. Bon, allez, deuxième message. Oui, Madame Picone, bonjour, Madame Garou. Je suis au regret de vous annoncer qu'Adeline est exclue de l'établissement à compter d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, mardi inclus. Et donc, il faudrait venir la rechercher, le motif de son exclusion est injure envers un enseignant. Écoutez, j'attends votre coup de fil. Merci beaucoup. Eh ben, elle peut toujours attendre. Oui, elle risque d'attendre pas mal, effectivement. Elle va attendre, à mon avis, un petit bout de temps, je pense, puisque les parents n'auront jamais ce message, sauf s'ils écoutent Fun ce matin. C'est jamais. Bon, les relous, donc, vous les envoyez au 0473 86 0013. Évidemment, on compte sur vous. Et puis, dans un instant, on vous remboursera vos factures aussi dans moins de 20 minutes. Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, vous pouvez le faire. 63 22, débutez votre message par facture. Et puis, vous mettez solde et on vous rembourse vos soldes ce matin. On écoute Lady Gaga maintenant. C'est Marry the Night sur Fun Radio à 8h53. Lady Gaga sur Fun Radio avec Marry the Night. Toujours notre invité mystère qui traîne, qui est là. When you're of age. Si vous êtes majeur, il faut boire. C'est un bon conseil à donner à presque tout le monde. Voilà, vous pouvez boire du café également. Il n'a pas forcément précisé que c'était de l'alcool, évidemment. Je n'ai qu'un seul mot à dire, what else? Et qu'il y a urgence pour vous inscrire si vous voulez repartir avec vos iPod Shuffle, vos iSwatch ou encore les écrans plats qu'on vous offre ce matin. Vous choisirez, si vous avez la bonne réponse, qui est notre invité mystère, 63-22. Il me ressemble un peu, non? Non, ouais, si, les cheveux sur tout. Ah, de loin et dans le noir. Bah, on m'a dit, ils ont les cheveux grisonnants pareil. On m'a dit que je ressemblais à. Mais pas du tout, mais, n'importe quoi. Bon, c'est dramatique ça. Alors là, ce qui est dramatique, c'est que tu peux plus croire à un truc pareil. Écoute, moi, c'est ce qu'on m'a dit, moi, après. Alors, comment les gens se foutent de ta gueule. Alors que quand on lui dit Mario de la Starac, il veut pas nous croire. Effectivement, il y a vraiment une ressemblance. C'est ça. Bon, allez, on va appeler Aliège maintenant. Oui, appelons Aliège. Allez, c'est parti, puisque Toff se sent seul et donc il a décidé d'appeler les commissariats pour voir si. J'ai vu qu'à Albi, ça avait super bien marché. Donc, en France. Donc, et à Bruxelles aussi d'ailleurs, à 6h50, ça avait bien marché. C'est vrai. Mais donc, a tourné un peu moins. Ouais, il a été un peu plus. Non, mais ouais, mais c'est parce que c'était un mec qui était là juste pour les urgences, quoi. Ouais, c'est vrai. Allez, okay. On appelle Alige maintenant, c'est parti. Apparemment, il y a une perte de chargement, rond-point des Cossines, route de Soigny. Voilà, comme ça, vous savez, si vous êtes dans le coin, faites gaffe. Oui. La police de Liège, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, en fait, je vous appelais parce que. Voilà, je savais pas qui appeler, alors je me suis dit que j'allais vous appeler. Vous savez pas qui appeler, alors je vous ai dit que vous allez m'appeler. Voilà. Dites-moi, c'est la nuit, mais dites-moi. Bah oui, en fait, c'est parce que je m'ennuie un peu, et donc voilà. Voilà, vous ennuyez, bah monsieur, je crois que si vous vous ennuyez, il y a peut-être d'autres choses à faire que d'appeler la police, non? Bah oui, mais... Maintenant, si vous avez besoin d'aide, je ne dis pas, mais si vous vous ennuyez, bah voilà, moi je crois que j'ai autre chose à faire que... Ah bon, voilà. on peut pas discuter un peu, faire connaissance? Faire connaissance, monsieur. Je pense que je suis ici pour travailler et pas pour faire connaissance, monsieur. Ah bon, c'est dommage. C'est quoi votre prénom? Monsieur, je pense que je vais pas vous le dire. Ah, bah, c'est dommage, maintenant qu'on c'est est... C'est ma nuit aujourd'hui, c'est ma nuit. Oui, c'est ma nuit. Donc, je vais peut-être vous passer ma collègue qui a peut-être envie de vous écouter. Bah écoutez, si vous voulez. Alors, dites-moi, monsieur, je peux vous aider? Non, j'avais juste envie qu'on discute un peu, qu'on fasse connaissance et bon, peut-être on pourra aller boire un verre tout à l'heure. Non, est-ce que vous savez que vous êtes à la police de Liège, vous savez? Bah oui. Juste petite question comme ça, hein. D'accord, oui. Vous savez. Oui. Ok. Ben voilà, monsieur. Oui, c'est parce que en fait, je vous ai pas dit, mais c'est l'uniforme en fait qui. C'est ça, oui. Voilà. Ok. Et ben voilà. Et ben je vous souhaite une très bonne journée, monsieur. Bah, attendez, vous venez à peine de décrocher. On va pas se quitter déjà. J'ai encore un peu de travail, monsieur, d'accord? Bon, ah, bah, je suis déçu quand même. Hein. Ben oui, monsieur, mon téléphone par la police de Liège pour draguer, hein, monsieur. Bah pourquoi pas? C'est non, on ne téléphone pas la police pour draguer, monsieur. C'est un lieu comme un autre. D'accord. Moi, j'espérais rencontrer une charmante demoiselle en uniforme. Ah, mais il n'y a pas de charmante demoiselle, monsieur. Hein, mais ça, voilà. Bah oui, donc voilà. Donc peut-être, peut-être qu'on pourrait se rencontrer une fois que vous avez fini votre service. Non, monsieur, c'est pas possible. Ah bon? D'accord. Bah moi, je suis assez déçu quand même. Oui, monsieur, je vais vous laisser, d'accord? Au revoir, monsieur. Ah, moins ouvert alors, apparemment. Ah, c'est dommage. Effectivement. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, il y a un rapport différent qui s'est mis en place. Un mec appelle une fille, donc tout de suite elle est sur ses gardes, c'est normal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Justement, bon, j'aurais bien aimé qu'elle me garde. Dans un instant, on a compris. Dans un instant, l'info arrive et The Wanted maintenant, c'est Glad You Came. The sun king. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Et à 9h02 sur Fun Radio, un peu en retard, c'est les infos maintenant avec Julie. Bonjour à tous, important incendie à Bruxelles, près du centre commercial City 2. Les pompiers ont déployé d'importants moyens pour combattre le feu dans la rue du Damier. L'incendie frapperait l'auberge de jeunesse Sleep and Well depuis 6h30. Il n'y a pas de blessés, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Yves Baupin, l'Arsène Lupin belge, a été arrêté hier après-midi et il crie au coup monté. La police bruxelloise Val-d'Oise était activement à la recherche de ce cambrioleur multirécidiviste depuis hier, suite aux menaces de mort envoyées par fax à deux magistrats bruxellois. Et d'après le cambrioleur, ces fax proviennent de quelqu'un qui avait intérêt à le présenter comme dangereux. Yves Baupin risque jusqu'à 2 ans de prison. Une accompagnatrice de train a été agressée hier soir. L'agression a eu lieu peu avant 20h sur la ligne reliant la gare de Bruxelles-Luxembourg à celle de Malines. 3 individus non identifiés sont montés à bord du train. Ils ont menacé l'accompagnatrice avec une arme à feu et lui ont porté des coups à la tête avant de prendre la fuite à l'arrêt suivant. L'ancien organisateur du Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps est renvoyé en correctionnel. Didier Defourny est accusé de détournement de plus de 1 million d'euros et de faux dans le but de s'enrichir. Le décret inscription est une fois de plus réformé. Le système controversé créé en 2009 pour régir les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire a encore changé. Les enfants qui sont scolarisés près du lieu de travail de leurs parents seront mieux pris en compte, alors qu'avant les critères favorisaient la proximité entre école et domicile. De nombreux médecins souffrent d'alcoolisme. Un médecin spécialiste sur 5 âgé de plus de 55 ans est confronté à des problèmes d'alcool. D'après une enquête menée par l'Université d'Anvers auprès de 1500 médecins, parmi les médecins de plus de 65 ans cette fois, près de 1 sur 3 seraient concernés par cette problématique. La moitié des amendes ne sont pas payées pour l'année 2010. Ce manque à gagner est évalué à au moins 70 millions d'euros. Il s'agit surtout d'infractions graves au code de la route qui finissent devant le tribunal de police. Au total, les juges de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles ont fixé des amendes pour plus de 133 millions d'euros en 2010, mais l'argent tarde à rentrer dans les caisses. À l'étranger, en Syrie, les journalistes dont une équipe de la chaîne flamande VRT ont été la cible de tirs hier dans la ville de Homs. Un journaliste français de la chaîne France 2, Gilles Jacquier, a perdu la vie. Les membres de l'équipe belge sont, eux, sains et saufs. Et puis au Brésil, le bilan des pluies torrentielles qui frappent le sud-est du pays depuis décembre s'élève cette fois à au moins 33 morts. Et enfin en sport, Matias Suarez a remporté le soulier d'or 2011 à 23 ans. L'attaquant argentin d'Anderlecht succède donc à Embark Boussoufa. Et puis en tennis, Yanina Wickmeyer s'est qualifiée pour les demi-finales à Hobart. La météo à 9h05. Le ciel sera plombé dès ce matin et rares seront les éclaircies. Le temps sera sec, mais jusqu'à ce soir, la pluie fera son retour. Température de 6 à 10 degrés. Demain, le temps sera plus frais. Un petit peu de neige, à prévoir sur les reliefs ardennais et quelques éclaircies partout ailleurs. Et je vous rembourse vos factures. Je vous explique comment faire dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Remboursement des factures, c'est maintenant. On vous appelle dans 3-4 minutes. Si vous voulez vous inscrire, c'est donc maintenant. Ça se passe au 63-22, 1€ le message. Vous débutez votre message par facture et puis vous mettez solde, puisque je vous rembourse vos factures de solde. 50€ de remboursé, ce qui est plutôt pas mal. Que vous ayez déjà ou pas encore fait vos achats des soldes d'hiver, c'est évidemment. C'est toujours bon à prendre. Bah oui, c'est toujours bon à prendre. Vous m'envoyez donc facture et solde au 63-22. Bonne chance tout le monde. Chris Brown et Pitbull arrivent dans un instant. Côté musique, ils sont des Floor, et nous allons parler maintenant de l'info en plus. Oui, une info en plus qui concerne les étudiants. Je vous ai trouvé une petite info pour réussir vos examens. Ah, en plein examen, ça fait plaisir aussi. Ah bah oui, une étude américaine démontre que mâcher du chewing-gum augmenterait les capacités intellectuelles. Alors c'est un professeur de psycho qui fait passer un test à 224 étudiants divisés en 3 groupes. Merci Tof pour le bruitage. J'augmente mon intelligence. Alors ouais. Le premier groupe a dû mâcher du chewing-gum en 5 minutes avant l'examen, le deuxième pendant l'examen et le troisième pas du tout. Et bien les résultats sont frappants. Les deux groupes qui ont mâché du chewing-gum ont réussi mieux. Les deux groupes qui avaient mâché du... Oh là là, c'est dur. Les deux groupes qui avaient mâché du chewing-gum ont réussi donc mieux leur examen. Donc alors le bénéfice perdure 15 à 20 minutes. Donc voilà, mâcher du chewing-gum avant et pendant un examen, c'est bon pour vos résultats. En fait, la mastication produit un afflux de sang vers le cerveau et donc du coup, ça améliore les capacités surtout de mémorisation. Ah, original. Donc achetez-vous un paquet de chewing-gum hein. Voilà, exactement. Allez, c'est parti. Voilà. Mâchez, faites des bulles pendant l'examen, les profs adorent. Ils vont adorer. Ils vont adorer. Faites ça discrètement. Hein. Allez, je vous rembourse vos factures dans un instant. Vous m'envoyez facture au 63-22, puis vous mettez solde derrière le mot facture. Et je vous rappelle dans 2 minutes 30, juste après Chris Brown et Pitbull maintenant. C'est International Love sur Fun Radio. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. C'est tous les matins que ça se passe sur Fun Radio. 7h10, 8h10, 9h10, je vous appelle pour vous rembourser vos factures. Semaine spéciale de solde, évidemment. Si vous nous envoyez facture, ensuite solde au 6322, vous mettez facture et solde dans le même message. Vous ne pouvez pas en envoyer deux, rassurez-vous. Donc vous envoyez facture et puis solde au 6322, eh bien on vous appelle si vous êtes tiré au sort pour vous rembourser vos factures. C'est parti, on appelle maintenant. Si quelqu'un qui s'est inscrit répond Fun Radio ou Mickaël à la question qui paye les factures le matin, c'est gagné. Allez, tu en auras Katy Perry après. The one that got away. Pas l'air gagné cette affaire. Je sais pas pourquoi, je le sens mal. Très mal. Mais non, ça va bien se passer. Trop mal. Oui. On y est là. Bah, ça m'a l'air un peu foireux. Et ben voilà, c'est ce que je disais. Même pas de message ? Tu répondras quand même. Ah voilà. Ah bah non, eh bah le correspondant a raccroché. Bah tant pis pour lui. Le correspondant est très sympathique. Eh bah voilà, c'est même pas un message. Eh bah génial, voilà, bah voilà. Comme ça au moins on partira sur une mauvaise note. Bah bravo. Oui, mais c'est le bon plan pour pas avoir des messages de relou, justement. Oui, c'est vrai, du pas coup tu raccroches au nez. Bon, enfin, c'est... Non mais si vous vous inscrivez, vous voyez un numéro masqué, vous appelez, ça peut être nous, donc décrocher, c'est quand même dur ça, ouais, quand c'est même. Un peu dommage. Oh là là. 9h12 sur Fun Radio, bah ça me permet de vous faire réécouter maintenant mon ami invité mystère. À votre avis, quel est l'invité mystère? Si vous êtes majeur, il faut boire, c'est un bon conseil à donner à presque tout le monde. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, presque tout le monde. Oui, à presque tout le monde. What else? C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Ou l'espresso. C'est ça, hein, c'est cette oui, c'est ça, c'est celle-là. Voilà. Bon, bah, en tout cas, il y a urgence pour vous inscrire, évidemment, si vous voulez gagner votre écran plat, votre iSwatch ou encore votre iPod Shuffle. Ça y est, après le troisième coup, Julie a percuté mon indice. Il était temps. Oh, mais c'est vieux comme indice. Ben oui, c'est vieux comme indice. Est-ce que les gens se rappellent de ça? C'est ça la question. Oui, oui, quand même. Attends, c'est une série quand même super connue, tu rigoles. Bah oui, c'est une série super connue, mais bon, la jeune génération ne sait pas qu'il a participé. Enfin, il vient de là, en fait. Il a commencé sa carrière par là, effectivement. Bon, allez, si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message. Il y a donc des écrans plats, des iPod Shuffle ou encore des iSwatch à gagner. Bonne chance. Et je vous l'avais promis, bah, Katy Perry dans un instant. The One That Got Away sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Hey, it's Jared from 30 Seconds to Mars, and the one thing I love about listening to my good friend's show, Michael, on the radio, Mickaël, à la radio, is that it puts me right to bed. Katy Perry sur Fun Radio, dans un instant Big Time Rush et Snoop Dogg, ce sera Boyfriend. Et puis à 9h17, j'ai quelque chose à vous faire écouter. Alors écoutez ça et dites-moi simplement à quoi ça vous fait penser. Allez, on y va, on va se les farcir comme des petites pintades. Moi je prends mon appareil, toi tes jumelles. Allez, vas-y. Et on y va. Voilà. Bah alors à quoi ça vous fait penser? À quoi ça peut vous faire penser? À la chasse. Chasse et pêche. Ah oui, ils partent chasser, ils vont se les farcir et ils partent avec des jumelles. Ah oui, farcir la dinde. Bon, je vous aide. Là, on l'a dans l'appareil. Moi, tu l'as aussi, Michel, dans tes jumelles. Ah, Michel. Encore une grosse remorque de bois de 3 minimum 3 tonnes qui, avec le matériel derrière, bah, qui va pas ranger le chemin. Eh ben, qui va pas ranger le chemin. Un rapport avec une remorque, en fait. Eh ben oui, ben enfin depuis l'arrêt, sans aucun doute, Julien Courbet avait laissé les voisins se démerder, mais heureusement, Henri Lecomte est arrivé, tel chevalier blanc. C'est l'émission, il essaie de régler les problèmes entre les voisins. Exactement. Attends, et heureusement. Une question, donc c'est un ancien joueur de tennis qui règle des problèmes entre voisins. Oui. C'est ça. Bah, il y a bien un joueur de foot qui règle les problèmes des gens sur RTL. Il s'est mis dans le social. Hein. Voilà, oui, c'est vrai ça, en fait. C'est vrai au final. Quand t'es sportif, tu fais de la télé après. Bah voilà. Il faut bien qu'il continue à payer leur retraite, hein, les gars. Bah, c'est ça, hein. Bon, et justement, donc Henri Lecomte est arrivé, et heureusement, parce que ça devenait un peu tendu avec les voisins. Hein. Votre fils, quand il avait un quad aussi, qu'il allait en bas, il s'est fait choper par le voisin du bas qui descendait comme un berlot. Ouais, enfin, on n'en est pas au quad. Fais le bordel chez toi. Mais oui, j'en ai marre, mais fous le bordel chez toi. Et elle est à bout, Sylvie, là. Ah non, mais j'en ai marre. Vous pouvez pas vous imaginer comme j'en ai marre. Eh oui, et voilà, mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il en a marre? C'est ça la question, hein? Mais parce que. Parce qu'elle en a marre, c'est parce tout. Que voilà. Parce qu'elle en a marre, c'est tout. Effectivement, voilà. C'est une réponse qui n'est pas forcément la bonne. Ça la dérange. Non, c'est pour un chemin, en fait. Ils se prennent la tête parce qu'il y a des trous dans le chemin qui relient leurs deux maisons à la route. Moi, je pense que Mickaël, il se prend pour le chef du quartier. C'est vrai, je suis assez d'accord avec lui. Je suis assez d'accord avec elle aussi. C'est vrai, mais à juste titre, cela dit. Hein. À juste titre. Voilà, bon, enfin, heureusement, Henri Lecomte va arranger tout ça. Et comme dans Confessions Intimes, ça finit toujours très bien. bien. Alors que si ça pouvait finir, je pense, sur un meurtre en direct à la télé, mais ça là, changerait. Ce serait fort. Mais on serait bien. Un petit égorgement comme mais ça. Voilà. En plus, c'est des émissions qui passent en deuxième partie de soirée. En plus, tu vois. Donc ils peuvent se permettre. Mais voilà, ils peuvent se permettre plein de choses. Il n'y a pas de problème. Allez, 9h19 sur Fun Radio. Dans un instant, la réponse à notre invité mystère. Et on écoute Big Time Rush maintenant avec Snoop. C'est Boyfriend. Bienvenue sur Fun. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Lucas qui va débarquer. En fait, il faudrait que vous écoutiez les conversations qu'on a hors antenne. Oui, je pense que. Ou alors, il faudrait qu'on ait les conversations de l'antenne hors antenne et hors antenne à l'antenne. Oui, tu vois, ce sera peut-être plus intéressant. Plus drôle, en tout cas, je pense. C'est vrai. Bon, nous avons Grégory qui est avec nous maintenant pour la réponse à notre invité mystère. Salut, Greg. Salut, Mickaël. Comment ça va? Ça va bien toi? Bah oui, ça va bien Greg. T'as 26 ans, t'appelles de Bruxelles, la capitale. 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles. Et Greg, tu fais quoi dans la vie? Je travaille, je suis ouvrier dans une société ici à Bruxelles. D'accord, tu travailles là déjà? Oui. Ok, bah écoute, bon courage. Hein. Tu vas quand même repartir peut-être avec les cadeaux. Si tu as la réponse à cet invité mystère, justement, qui est-il? When you're of age. Si vous êtes majeur, il faut boire. C'est un bon conseil à donner à presque tout le monde. La réponse que je peux donner, what else? Enfin, l'indice. Greg, qui est-il? George Clooney. Eh oui, George Clooney, exactement. On m'a dit que je ressemblais un peu à lui. Bon. Mais alors, attends. Déjà, les gens qui ont fait ça, c'était une blague. Bah non, c'est des rigoler. Gens qui étaient tellement sérieux. Je comprends pas pourquoi tu es étonné. Mais je n'ose même plus faire de remarques parce que je pense que peut-être pour ta santé mentale, il vaut mieux que tu restes dans le délire en fait. Je comprends pas. Plutôt pourtant, que de mettre face à ta réalité. Moi-même, ce matin, je me suis fait peur dans le miroir. Je me suis dit, ah, mon Dieu, George. Mais tu me fais peur tous les matins quand j'arrive ici. J'oublie en fait, tu vois. Mais oui. Écoute, là, c'était un tac facile. Mais écoute, attends, tu me tends des perches énormes. Je suis obligé de les prendre. J'aime ça les perches. Mais oui. Bon, Grégory, bravo à toi, c'est gagné. Tu vas donc repartir avec les cadeaux. Je te renvoie chez Lobo Standard, d'accord? Ok, un grand merci en tout cas, une bonne journée à tous. Mais je t'en prie, merci à toi, Greg. Reste fidèle à Fun et puis ne bouge pas, reste aussi dans ton téléphone, on prend tes coordonnées. Salut, salut. Ok, salut. Allez, à bientôt, ciao à toi, Greg. Et puis on va terminer évidemment avec notre ami Julien Derien qui officiera ce soir encore une fois dans Evan, dans la tribu, pardon, avec Evan. Il va pas officier dans Evan, hein, je vous le dis. Non, je vous le dis. Et puis on va s'écouter maintenant justement Julien Derien, toujours sur le feu de l'action. Enfin, dans le feu de l'action. Depuis plus d'un an maintenant, il y a une mode un peu spéciale qui est arrivée chez les adolescentes. Je sais pas si vous avez suivi un peu tout ça. Je parle des sex bracelets. Hein, vous avez regardé, vous avez vu? Oui. Non, je sais pas ce que c'est. Alors, si vous savez pas de quoi il s'agit, il y a Julien Derien, notre reporter, qui va évidemment tout nous expliquer. Attention, il est question d'adolescentes, donc je me méfie quand même. Bonjour, Julien. Bonjour, Evan. Bonjour, tout le monde. En effet, les sex bracelets s'appellent comme ça car ce sont des bracelets en peau de bite. Voilà. Alors, évidemment, c'est pas. Hein, non, mais c'est pas vrai. Ils ont sorti en fait 8 bracelets de 8 couleurs différentes et chaque couleur correspond à une pratique sexuelle ou à un message différent. Alors on va faire un petit jeu qui est très très simple. Si vous deviez acheter un bracelet, de quelle couleur serait-il, Monsieur Milan? Jaune. Alors attends, je regarde dans le manuel. Ça veut dire que tu devras coucher avec une Asiate. Non. Sans problème. Évidemment, c'est pas vrai non plus. Hein. Le jaune correspond à la couleur du French Kiss. Voilà. Donc le Monsieur Milan, il veut bouffer de la bouche et laver des dents. Allez, suivant. Toi, coquine, tu veux quoi? C'est moi la coquine là? Non, pas toi. Hein. Toi, j'aurais pas dit coquine, j'aurais dit. Non, Julien, non. Ok, pas de soucis. Bon alors, Evan, quelle couleur auriez-vous choisi? Non, ça vous fait bafouiller quand vous parlez avec moi maintenant, tiens. Julien, j'aurais choisi vert, tiens. Vert? Oui, vert. Putain, mais comment on peut vouloir porter un bracelet vert? Oh, c'est pas possible, vous méritez même pas que je vous donne la signification. Ah bah, la peine, voilà. Si tu la donnes pas, tu vas tracher les bougeoirs avec ta main. Hein. Dis donc, Julien, là, je vais te retutoyer. Je fais ce que je veux d'abord, c'est moi le patron, alors tu me donnes la signification, tu te mailles le cul. Bon, le vert, c'est la couleur de... Bah, c'est quand la fille veut qu'on lui offre une fleur. Oh, les vannes romantiques. Oh là là, on connaît bien ton petit âge avancé, hein, papy? Hein? Non, merde. Alors toi, ma petite Noémie, tu aurais choisi quelle couleur? Ne me dis pas un de chaque couleur. Hein. Non, j'aurais pris le rouge, moi, parce que j'aime beaucoup le rouge. Alors, rouge. Oh là là, la peau. Oh non. Bon, bah écoute, je lis l'exacte signification qui se trouve sur le fascicule. Rouge, 2 points. La fille recherche un contact physique sous quelque forme que ce soit. Hein. Donc, visiblement, la Noémie, elle est tellement en galère de contact physique qu'elle rêve la nuit qu'on lui serre la main. Alors, attention, Milan et Van, hein, lui faites pas la bise, il risquerait de vous violer. Voilà. Bon. Pour les couleurs qui restent, je vous fais un peu le topo. Il y avait le bleu pour la fellation, le noir pour la pénétration et la couleur dont on se fout, le blanc, qui correspond à l'amitié. Et vous auriez choisi quoi, vous, Julien, par exemple? Tiens, ça m'intéresse. Oh, bah, couleur arc-en-ciel, hein, moi, je pense. Ouais. Ah bon? Non, mais moi, j'ai pas besoin d'un bracelet. Hein. Je viens de me faire un t-shirt avec écrit « J'aime la pipe », c'est plus direct. Oh évidemment, je pouvais pas m'attendre à autre chose de votre part. Bon, allez, ça va pour aujourd'hui. Merci, Julien. De rien. Et hop là, Julien de rien de ce soir, de retour, évidemment, avec Evan dans la tribune. Il y aura les PZK aussi en invité dès ce soir, donc soyez bien à l'écoute de Fun tout au long de la journée. Lucas vous aide à choisir les disques avec lui d'ailleurs dans quelques instants. Vous pouvez choisir ça jusqu'à 13h en envoyant un petit SMS par exemple. Vous envoyez self au 3044 ou alors sur son mail lucas@funradio.be. Jasmine et Pure Dance Floor à 13h. Evan, je le disais, à 17h. Et puis la libre antenne, la dernière de la semaine, c'est ce soir avec Vince et l'abbé dès 20h. La bonne journée à Julie. La très bonne journée, Mickaël. Très bien. Et puis bonne journée à Lob et à Toff également. Hein. Bonne journée, ouais. Allez, bonne journée. À demain tout le monde pour la dernière de la semaine avec encore les factures évidemment à gagner avec plein de cadeaux dès demain matin 6h. Salut tout le monde. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.